Une chose, celui qui s'amuse à balancer des conneries en remix derrière, il va virer. Quel est le... Oh, vous arrêtez, s'il vous plaît ! L'émission sponsorisée par Chocopip. Ok, donc c'est pas mal. Donc, rebonsoir à tous. Donc, deuxième... Salut, tu vas bien ? Qu'est-ce que ça peut te foutre, tes médecins depuis 2 heures ? Ouais. Donc, on est de retour pour le deuxième débat qui porte sur les examens et les révisions. Donc, toujours Fuldar en réa. Le Rigaud à la... sur l'Internet. Manu à la batterie. Branchez les guitares. Anka qui vient... qui va épauler un peu Manu pour voir comment que ça se passe. C'est toujours la maman de Manu qui est à mes côtés. Comme c'est une professeure, elle va essayer de... Qui va t'aider, il paraît. Elle va m'aider. On va voir comment qu'on va s'y dépendre. Voilà. Alors pour ça, on va accueillir Manu. Baccalauréal, parce qu'il le vaut bien. Ouais, bah tu pourrais. Mais, Manu, ça fait 50 fois que je te demande les villes. Bah, il y a les villes. Les fréquences. Ah, mais je les connais pas, moi. Alors, 25 ans de Limoges, fréquence. Tout à fait, 119.9. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Bonsoir. Bonsoir, Monique. Bézu. Ça se conjugue, bonsoir. Paris 101.9. Tout à fait, je te dis bonsoir Gérard, je dis bonsoir à Fedda, bonsoir à Manu, bonsoir à Rigaud et bonsoir à Monique. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. N'oubliez pas qu'il y a Anka. Il y a Anka quand même qui est pour le Manu pour le deuxième. Quoi, tu t'en fous? Tu restes poli toi, sinon tu vas dégager tout de suite toi. Non mais je voulais dire bonjour à Monique parce que je trouve sa voix charmante. Hein, et puis, merci beaucoup. Et c'était possible d'avoir son numéro de portable. T'as raison. Alors là, tu demanderas à Manu, d'accord. Il n'y a pas de problème. Pousse Kit Kat. Oui, 29 ans de Lyon, ta fréquence. Alors ma fréquence 103.2. Ok. Ok. Maîtresse Mystère, 28 ans de Toulon. Oh là. Oh, le nom de Poufias. Attends, tu restes poli. Maîtresse Mystère, 28 ans de Toulouse. Bonsoir Gérard. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce trablot? Ta fréquence? Ouais, bon, un peu grave, je le sais. 97.3. Oula. Par contre, un téléphone de merde. Ouais, voilà. Non, mais s'il parlait bien devant, c'est vrai. Hein. Tu parles bien devant parce que sinon tu vas pas rester longtemps. Hein. Ok, ma chérie. Tu vas pas commencer comme ça parce que sinon tu vas gerber tout de suite. Ok. Allez, on attaque. Première question. On attaque qui? On attaque le débat qui porte sur les examens et les révisions. Alors, quelle est votre attitude que vous adoptez lors des révisions? On va demander à Maîtresse Mystère. Ouais. Bon, Maîtresse Mystère, bon, allez hop. Oui, allez. Allez, hop. Allez, terminé parce que... Pousse Kit Kat. Ouais, alors moi, la préparation, en fait, 2-3 queues, tu vois, je me tape 2-3 branlettes vite fait avant, pour mettre mes jambes. Ensuite, tu parles bien des préparations de révision, là. Ouais. Ouais, bon, ensuite, je me fume 2-3 clopes, je me mate en film, et puis là, bon, j'ouvre mes cours, quoi. Non, mais c'est ton attitude que t'as pour, pour réviser. Ça, hein. Moi, je suis pas un bosseur, de toute façon, quoi. Ouais, d'accord, ok. Ouais, on a compris. Jésus. Oui, moi c'est un peu le même principe, parce que moi j'ai certaines facilités. Hein. Écoutez bien, Monique. Hein. J'ai certaines facilités. Je suis assez intelligent, donc je suis beau gosse aussi. Hein. Bézu. Oui. Bézu. Oui. Soit que tu réponds chaud, Bézu. Ouais, soit que tu réponds correctement à la question, ou soit que je te fais comme Maîtresse Mystère, je te dis au revoir. Non, mais j'essaye de bien répondre à la question. Ce que tu disais, moi j'ai assez de facilité vis-à-vis de l'apprentissage de certaines matières, que ce soit les mathématiques, le français ou la sexologie. La sexuologie? Oui, la biologie. Parce non, t'as des sexuologies, hein, celui-là. C'est pareil. Ouais, la biologie, peut-être, mais la sexualité, ça m'étonnerait que vous l'ayez pendant leur débat, hein. Ça m'étonnerait pour moi. C'est bon, tu tombes sur un sujet de biolo avec de la sexualité à l'intérieur, sexologie. Ouais, d'accord. Ouais, Manu. En parlant de sujet de biolo, on accueille Viens gicler sur mes miches. Alors, bien. Non, ça va. Bon, et viens gicler, t'as quel âge? J'ai 23 ans. Et t'appelles? J'appelle de Rouen. Fréquence 105.1. Ok. Bonjour à Bézul, futur beau-père de Manu. Voilà. Voilà, ça va loin. Ça va vite, hein. Ouais. Bon, donc Bézul, donc, ça y est, c'est bon? Ah ouais, c'est bon, là. Ok, baccalauréal. Ouais, bah écoute, moi j'ai pas de la chance comme Bézu, moi j'ai pas trop d'aptitude, donc en fait, moi je suis obligé de me préparer les antisèches. Donc la majorité de ma préparation, ça revient quand même à ça, parce que moi j'ai pas d'aptitude particulière, tu vois. Non mais vous avez compris le sens de la question? Je crois pas. Je crois que vous répondez à côté de la question. Donc j'ai une attitude de tricheur, c'est tout. Voilà. Ouais, donc c'est ton attitude que t'adoptes. Eh ben voilà, t'as tout. Ah ok. Viens gicler là sur mes miches. Ah oui, bah alors moi je passe bike depuis, c'est la cinquième fois là, donc j'ai la philo tout à l'heure. Ouais. Mmh. Donc je flûte un peu et pour réviser, bah, je t'écoute. Ah bah d'accord, ah bah c'est pas mal alors, comme ça tu vas être sûr de l'avoir encore. C'est clair que je vais le passer six fois. Hein, si tu tombes sur la misère humaine, t'as peut-être une chance. Ouais, ok. Chance, ouais. La blague en qui, mais bon. Ah, ça peut être un sujet qui tombe. Hein. Viens gicler. Est-il nécessaire? Viens gicler sur mes miches. Un conseil que je te donne. Oui. Viens gicler sur ces miches. Ou tu te calmes. Oui. Sur les réponses. Oui. Ou tu vas gicler au standard. D'accord. Alors tu choisis. D'accord. Tu choisis quoi? Bah je préfère aller t'écouter. Ah bon? Il faut que tu gères ton éjaculation. Je gère là. Bézu. Bézu, c'est pareil. C'est pas la culotte, ouais, putain. Bézu, c'est pareil. Dans le machin, je vous préviens, le deuxième débat, ça va gicler sec. Hein. Ça pèle sa mort. Je suis, mais je m'en fous. Ah, donc, on continue. Alors, je vois que tu essaies de casser le cou avec Monique, c'est pas très gentil. Hein. Pour l'instant, tu t'écrases, Bézu, d'accord? Ok. Rigo, tu voulais dire? Oui, je voulais te poser une question de Pierre Foura. Mystère. Il te demande ce que c'est tu fais drôle, pour réviser les questions de tes débats. Bah moi, qu'est-ce que je fais pour réviser les questions de mes débats? Je me tape un Grand Prix de Formule 1 en révisant. Voilà, il a tout compris. Bon, ça se fait. Mais à part dire des conneries, tu fais quoi d'autre? À part dire des conneries, moi je t'emmerde. Gérard, je voulais te poser une question. Est-ce que toi, t'as déjà révisé dans ta vie ou pas? De bac, j'ai pas le bac, mais t'es pas arrivé jusqu'au bac. Mais je sais pas, est-ce que t'as révisé en CP ou tu vois? Ah mais moi j'ai pas. Moi on t'as arrêté l'école à quel âge? Non mais moi on m'a mis dans un fond de. Gérard. On m'a mis dans le fond d'une classe, j'ai pas révisé. Ouais. Gérard, écoute. Merci de votre attention. D'accord. Donc, ok, bonne nuit. Non mais t'as jamais révisé? Non. T'as jamais appris de leçons, rien? Non. Un autodidacte. Ah oh, chaud, t'es beau quand même. Bah ouais, c'est pour ça. T'es autodidacte. T'as pas de diplôme. Déboucheur de piconbière. Encore je me retiens, c'est défenseur de porte ouverte. Je préfère me retenir. Ouais, bah, le Bézu, le défenseur de gros cul, t'emmerde, il te jure. Les grosses, on se trouve en voiture 35. Les grosses, voiture 35. Voilà, alors, seriez-vous prêt à tricher pour réviser votre bac? Alors, on va demander à bien gicler sur mes miches, parce que comme tu passes la philo tout à l'heure. Ouais, et ben en fait, j'ai tout préparé, là, donc j'en ai mis un peu partout. Pendant mes fringues, je vais tricher, c'est clair. Ouais, mais dans ces cas-là, si tu triches, est-ce que tu peux tricher avec une calculatrice plus un portable? Le portable, j'ai le vibreur. Grosse question, là. Hein, mais déjà, t'as pas le droit. Ah ben si, j'ai le vibreur, attends, de toute manière, pour... Non, non, ils vont pas me fouiller. T'inquiète pas, que d'après ce que j'ai compris cette année, ils ont pas l'intention de... Ils ont pas l'intention de se laisser faire les profs. Hein. Mais Gérard, j'ai une question, c'est que moi, mon frère va passer le bac aussi demain, et donc il m'a montré sa liste, et ils ont le droit, donc ils ont en fait la liste du matériel autorisé, et il y a une calculatrice en fait, qui elle est tellement sophistiquée et performante qu'elle permet en fait d'enregistrer carrément toute une page de leçons, c'est-à-dire qu'ils peuvent l'amener même en philo, même toi ils en ont pas besoin, non. Mais c'est non, vrai, non, non, non. Tu peux aller sur Internet aussi. Oh non mais attends, dans ce cas-là, attends, tu crois que tu vas avoir Internet lors de ta philo demain matin? Ah bah c'est clair, il y a des calculatrices vachement sophistiquées. Oh non mais attends, ça va être interdit tout ça. J'ai déjà vu l'instit, hein. Non non mais moi j'ai vu les infos, faites-moi confiance qu'ils ont pas l'intention de se laisser faire pour les examens. Comme hein. Tu veux les surveillants de classe. Ouais non mais attends, les surveillants de classe, mais ils vont avoir aussi d'autres surveillants derrière. Attendez, viens gicler sur mes miches. Tu vas aller gicler au standard et dans ton lit, au revoir. Non bah ça va être chaud hein dans le lit. Je disais, oui, qu'il y a des gens qui vont venir avec leur calculette. Tu sais, tu peux rentrer du texte dans ta calculette pour en faire tes cours. Donc là, tu vas pouvoir tricher avec ta calculette. Tu m'écoutes, Ringo, ou pas ? Non, mais ça... Non, parce que là... Je suis concentré, moi, merde. Non, parce que là, de toute manière, j'ai vu le truc, et à mon avis, je pense pas que cette année... Jean-Pierre Pernaud, il en a parlé. Hein, c'est... Excuse-moi, Gérard, mais tu sais... Maintenant, il y a des calculettes qui sont super performantes. Ouais, c'est vrai. Et où tu peux rentrer toute une page de texte et tu peux l'avoir pour comprendre. Ouais, non, mais attends, dans ces cas-là, c'est plus un examen de bac que tu passes, c'est carrément de la tricherie, comme ça, le mec, il va l'avoir tout de suite, ça philo. C'est clair. Gérard, j'ai vu à midi chez Jean-Pierre Pernaud au 13h à TF1 que maintenant, il y avait des calculatrices, hein, avec le progrès, hein, le modernisme, où tu pouvais, tu sais, elles ont tellement de mémoire que tu peux mettre des textes dedans pour pomper. Mais je viens de te dire que non, ça se ferait pas. Alors, Parce que tu vas les pomper sous la console, toi. Gérard, attends, parce que maintenant, les calculatrices, tu peux mettre du texte dedans. Mais on va pas s'éterniser sur des calculatrices. Je viens de vous dire que les calculatrices seront supprimées. C'est carrément net, précis. Elles vont être interdites lors des examens. C'est tout. On va pas s'éterniser sur la calculatrice pendant 2 heures. Ouais, Gérard. Merde. Ouais. Ouais, c'est baccalauréole. Moi, je sais que j'ai un boulier. Je peux rentrer au moins 2 pages de texte. Du coup. Putain, mais. Eh, hey, oh, t'es boucher ou t'es. Le boulier, c'est pas interdit. T'es boucher ou charcutier? C'est pas interdit pour la philo, le boulier. Hein, j'suis désolé. Ouais, c'est ça. Bon, ça y est, on a fini. On peut passer à la troisième. Vas-y, ok. Ouais, mais déjà la troisième, là. Ouais, à la place de Bézu, on accueille Pompon. Moi, j'ai même pas répondu en plus. Enfin, qui KitKat. Ah ouais, ok. Encore bu, Pompon. Oh, Pompon, ta fréquence, s'il te plaît. Vas-y, raconte une histoire, Pompon. 102.7. 102.7 dans le record. Bon, attends. Il est russe. Manu. Raconte une histoire, Pompon. Oui, Manu, tu lui dis qu'il parle autrement, sinon tu lui dis au revoir tout de suite, parce que là, on dirait qu'il a fumé la moquette ou il a bu. Hein. Oh, pousse KitKat. Moi, en fait, je voulais dire que j'avais triché à l'examen du bac, parce que j'avais une calculatrice hyper sophistiquée, où tu pouvais insérer des textes, tout ça. Au moins une page. Au moins une page, ouais. Mais le problème, c'est que je me suis fait griller en flagrant délit. Ouais. Et donc, j'ai dû partir et j'ai pas eu mon bac. Alors, dans ces cas-là... T'es dans la merde. Non, mais, il y a encore mieux pour tricher. Dans ces cas-là, vous faites une chose, vous coupez votre talon de chaussure comme dans le film. Comme dans le film Le Grand Bazar. Le mec, il tourne ça, hop, et puis il s'amuse à le taper sur son tam-tam. Attends, c'est quoi ce truc? Attends, c'est vraiment des chemins d'examen, toi. C'est vraiment de... Vous savez, t'as le Bordeaux aussi, avec Guillermo Villas, là. Tu sais, tu tends, là. Mais ouais, mais comme l'autre, là, qui va accoucher, qui écrit carrément sur la fesse du gamin. Ouais, tu me fais penser à Jimmy Connors, quoi. Ouais. Bon, Manu. Voilà, ouais, Anka, tu voulais dire? Je voulais dire qu'il y a beaucoup plus simple que ça, et que, tout simplement, tu t'écris sur les cuisses et tu vas aux toilettes. Pendant okay, la pute. Okay. Allez, sors. Okay. Non, mais qu'est-ce que vous allez chercher? Ça marche? Okay. Non, mais pourquoi pas sur son sous-type aussi, tant que tu y es pour les nanas. Non, mais attends. Ouais, génial. C'est du vécu. Ouais, mais carrément aussi sur la culotte, et puis on en parle un pifant encore. Tu te souviens dans ce clip quand ils appellent Sydney à Gérard? Ouais, c'est ça. Manu, il est calmé, Pompon, ou pas? Ouais, il est calmé. Je suis avec ma meuf, là. Ah, il est tout calme. Bon, Pompon. Oui, ça va mieux. Oui, alors il faut que je réponde à la question. Bah oui. Ouais. Ouais, bah moi je dirais que bon, moi déjà j'ai jamais triché hein, au bac. J'ai toujours évité parce que je suis dans l'honnêteté totale. Bon, moi ce que j'aime c'est les femmes matures. Et donc c'est l'honnêteté avant tout. Ouais. Tu peux me donner ta fréquence? Oui, 102.5. 102.5. Voilà. Ok, bon, qu'est-ce que je peux dire? Bon, bah, pour tricher sur le bac, on a assez parlé de l'histoire de la calculatrice, donc c'est plus la peine. Ah, que veut dire le mot baccalauréat? Ah, bonne question, Gérard. Très bonne question. Alors, baccalauréat, juste Manu. Et on accueille Gabriel. Gabriel. Tu brûles mon esprit. Tu m'étrangles ma vie. Eh, tu travailles là, Gabriel, là? Il est là, il t'écoute. Hein. Ta fréquence? 108. Ah, c'est tout rond, c'est bien ça. 108. Ouais, ouais, c'est la limite, ouais. C'est juste la fin de la fréquence. Les parasites, ouais. Ouais. Okay. Alors donc, la question c'est, que veut dire le mot baccalauréat, baccalauréal? Bonne question. Je pense qu'il faut remonter aux origines étymologiques. Oh là là là là là là là. Il y a trop de lettres dans ton mot. Eh non mais, je crois. À mon avis. Non mais attends, baccalauréal. Il y a trop de lettres dans ton mot. Eh, je crois qu'à mon avis, t'as dû fumer un joint, toi, avant de passer sur l'antenne. Parce que là, je vais te dire, on en est à la troisième, ça fait trois fois que tu me réponds, mais alors, à moitié défoncé. Effectivement, c'est possible. Ouais, ben bah alors. Mais non, Gérard, il est tard. Non, il est 4 heures. Non, non, mais attends. Moi, j'ai 2000 lascars qui viennent passer le bac plus longtemps. C'est ça. Ah bah alors, dans ces cas-là, tu vas t'occuper de tes 2000 lascars et je te dis au revoir, parce que je vais pas m'éterniser avec un mec qui se fout de la gueule. Fumer du bon. Sur l'antenne quand même. Va fumer tes joints dans ton lit. Bonne nuit. Gérard, justement, par rapport au débat, il y avait un petit sondage qui collait bien à la question que tu viens de poser, donc j'aimerais bien que tu en parles. De quoi? Avez-vous déjà révisé? Alors, 52% des gens répondent oui, mais ils ont quand même triché. Bah, ça, on en a parlé tout à l'heure, oui. Donc, 44% répondent qu'il ne faut pas réviser, ça sert à rien. Si, ça sert quand même à quelque chose, si tu veux être. Ça sert à quoi? Si tu veux avoir un diplôme. Oui, je suis d'accord, mais il y a des gens qui travaillent toute l'année, donc ils n'ont pas besoin de réviser. Ouais, d'accord. 27% des garagistes pensent que les révisions, ça les fait bouffer. Bah oui, pourquoi pas. 19% des étudiants m'emmerdent car ils sont en train de réviser justement. Bah justement, si vous êtes en train de réviser, c'est pour ça que vous écoutez la radio, pour qu'on parle de ça. Voilà. Ouais, bah oui, donc c'est un foutre. Alors, Pompon. Oui. Non, il est pas 3h du mat, il est 4h05. Ouais, bah ouais, en plus, ouais. Alors, Pompon. Oui, répète-moi juste la question parce que c'était un peu le brouhaha. Bon, alors, Pompon, je vais te faire une chose. Oui. Déjà, tu t'appelles Pompon, mais Tony, d'accord? C'est faux. Ouais, tiens, mon cul. Connu, c'est le château. C'est ça. Alors, la question, vous l'avez très bien compris, je ne la répète pas. Ça vous apprendra. Ah, il t'a voulu, hein. 4 au hasard, moi. Alors, vas-y. 4. Bon, d'accord, 4, t'as raison. tu vas voir, Manu, il va te la dire au standard. Okay. T'as connais pas? Mais si, tu l'as entendu comme moi. Non, il a pas écouté comme Kit Kat. J'ai bien répondu. Non. J'ai un petit problème. Ça vient d'où, le baccalauréat? Comment? L'étymologie. Baccalauréat, ça vient d'où? Ouais, le mot. Ah oui, bah, bien sûr, tout à fait. Bah, en fait, je le sais pas du tout, Gérard. Du latin. 4. Ça répond 4. Ouais, 4. Bon, d'accord. Voilà, 4. Je crois que. Gabriel. Mais ça y est, c'est bon, t'as répondu. Gabriel. Ok. Tu brûles mon esprit et toi. Gabriel! Gabriel, tu réponds ou je te gerbe? Je te fais bien. Gabriel, c'est la dernière fois que je te demande de répondre. 4. Merde, allez hop, bonne nuit. Comme ça fera 5. Allez hop, au revoir. Et ça vient pas du latin? Non. Baccalauréus? Non, si. Alors moi, j'ai Gérard, si je peux me permettre, c'est Pompougnac. Je lui ai dit la question. Ouais, non, en fait, baccalauréat, ça vient du grec, là, mais moi j'ai eu un petit problème avec le grec, c'est que je séché les cours pour aller coucher avec des femmes plus vieilles que moi. Putain, mais non, mais les mecs, je préviens que ceux qui s'amusent, qui sont là à l'antenne et qui passent la pilote demain, si on vous demande que veut dire le mot baccalauréat, bah, vous êtes sûr d'avoir gagné. Ouais, écoutez pas, hein. Alors, ouais. Moi, j'ai regardé, c'est abréviation de famille bac égale bachot, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que j'ai, baccalauréat. Baccalauréat, j'ai regardé sur l'audico, ça veut dire okay. Ça, c'est tout. Non, toi, c'est baccalauréol. Et le baccalauréat, c'est feu quoi. Alors, c'est tout ce que j'ai comme définition que j'ai trouvé. C'est tout. J'ai regardé par. Le tolard et ta mère, alors. Pousse qui te cache, au revoir. C'est pas moi. Je vais pas savoir, au revoir. Au revoir, T'as cherché dans quoi, Gérard? T'as cherché dans Téléstar? Non, dans le dictionnaire, et j'ai trouvé que ça comme définition. Qui est ton dictionnaire? Le guide France Football. Manu, là, il nous reste qui? Il nous reste que Pompon, normalement. Non, et baccalauréat. Non, lui, j'avais dit au revoir déjà. Non. Ça y est, il reste que Pompon, là. Voilà. Donc la réponse, Gérard, c'est ça, Bacos. Non, mais je crois que c'est en fait, ça veut dire c'est deux mots, bac et lauréat. Ouais, en fait, c'est les feuilles de laurier de. Tu vois, ouais. Ça, hein, oui, c'est par rapport. C'est Raymond Bidochon sur l'IRC qui m'a communiqué cette information. C'est les lauriers, tu sais, les lauriers de César. Tu vois, c'est la couronne. Ouais. Oui, c'est en fait. Les diplômés à l'époque, on leur en mettait un sur la tête. On mettait une couronne de laurier, donc c'est le baccalauréat et baccalauréat. Voilà. Ah bon, bah, c'est bon, tu peux le noter. Tu peux le noter quand même. C'est bon. C'est bon. Tu le retiendras. Ouais, bon. On va dire, je refais pas un débat après là-dessus, hein. Oui. Il est grand. Je te permets pas de dire ça, Manu. Il est pas Manu, oui, avec un con comme moi, on s'amuse, avec un con comme toi, on se fait chier. Ok, voilà. Super. De bon entendeur, salut. C'est chez sur place. Ouais, tout ça, quoi. Vas-y. On accueille Maître Capello. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Et on accueille Marie Pierce. Bonsoir. Oh là là là. Oui, bonsoir. Oh là, oh là, oh là, oh le travelot. C'est grave pour Marie. Ouais, oh le travelot. Bon, maître, hey, il m'en manque un, il m'en manque des auditeurs. Mais tu vires tout le monde, Gérard. Anka, s'il te plaît, tu prends, t'essayes de voir si on peut avoir des auditeurs aussi qui veulent participer, hein. On va essayer. Ouais, ouais. Maître Capello, t'appelles d'où? Alors, j'appelle de Lâche la purée sur Yvette. Jeu de mots. Ça veut dire Gypsy sur Yvette. Tout à fait. Donc 101.9. Exact. Marie Pierce. Oui, j'appelle de Bar-sur-Aube. Oh putain, non. Oh putain, c'est quoi cette trame? T'appelles de... c'est où? J'appelle de Bar-sur-Aube, c'est dans l'Aube. Ah ben la fréquence 107.3. Oh bah d'accord, département... Il a du mal à parler, super. Ouais, département à fil d'art. Des hormones. Ouais, c'est ça, t'as des hormones. Bah dis donc, t'as des hormones dans la gorge. Ouais, Manu, on va accueillir Mauresmo. Bonsoir. Franchement. Allô, Laurent. Mon pote. Bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle, bah là, je suis à Paris, dans l'hôtel. Bonsoir, Emilien. Amélie, s'il te plaît. Bon, alors, la fréquence. Bah, 100.9, hein, sur Paris. Oh putain, Manu. Oh là là, c'est vrai. Non, non, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Là, ce soir, c'est vraiment la décatombe. Ça se voit qu'il est. C'est la décatombe. Il reste à peine 2 heures d'émission, mais alors là, c'est la catastrophe. C'est la décatombe. Débat. Mais non, merci de l'attention. De rien. C'est que, je sais pas, tu poses pas les bonnes questions au bon moment, en fait. Ouais, mais attends. C'est quoi la racine Y de décatombe, là, les lettrés? Toi, fais gaffe, pompon, parce que l'immigré tout à l'heure, il va te dire au revoir, toi. L'illettré, Gérard. Ah, ouais, tu vas voir. Ouais, Rigo. Bon, Gérard, pour calmer le débat, sachez que sur l'IRC, on est quand même 7023. Ah, c'est bien, ça. C'est bien, t'as vu, le son, il change et tout, c'est bien. Bah, et donc, il y a Fade... Alors, attendez, parce que ça va très vite, il y a énormément de monde. Putain, faut que je le retrouve. Non, on dit pas putain, on dit maman travail. Parle pour toi, s'il te plaît. Non, mais je te le dis. Et donc, il y a Fade Rota Arcana. Fildar, s'il te plaît. Je sais pas. Fildar, tu arrêtes. Mais c'est Erwan en technique. C'est bizarre. Fildar, ah bon, ouais, c'est Erwan. Tu arrêtes, merci. Donc il voulait savoir, je sais plus son nom, il voulait savoir où est-ce qu'on peut trouver un baccalauréat. Voilà, aucune idée. Bah, aucune idée. Dans les drogueries. Bah, je pense que, je sais pas où ça se trouve, moi. Les dealers. Je sais pas où ça se trouve, hein. Un marchand, tu crois, il y a un marchand. Ah, je sais pas s'il y a des marchands qui vendent ça. Mais moi j'ai entendu dire que il y avait des professeurs qui aidaient en fait les élèves pendant le bac pour tricher. Moyennant finance, bien sûr. Ah bah ouais, tu crois que le mec à 18 ans il va s'amuser à casquer, à donner une enveloppe avec ses parents, avec ses parents. Ah ouais, avec l'accord de ses parents. Non mais c'est les parents qui donnent l'argent. Il y a bien des gens qui payent dans des écoles, tu vois, ils payent genre. Il y a des gens qui ont des balles l'année pour payer leur bac. Donc c'est possible qu'il y ait des jeunes qui payent. Ah, c'est diplôme, c'est comme toi, t'as acheté ton permis poids lourd, on sait ce qui s'est passé quoi. Bah ouais, j'ai acheté mon permis poids lourd, t'as raison, puis quoi encore? Il y en a qui payent un ticket resto. Ouais, c'est ça. Toi, fais gaffe parce que tout à l'heure, tu as payé pas en ticket de resto, tu as payé dans ton lit, toi. Je le sens. Bien joué, Gérard. Faites-vous des révisions, seul ou en groupe? On va demander à Pompon. Ah, moi, je préfère en groupe, hein. C'est plus convivial. Arrête, ma Fildar, s'il te plaît, avec ta musique de merde. Fildar, tu arrêtes, s'il te plaît, merci. Bon, Pompon, tu réponds. Je disais, moi, j'adore le groupe. Hein. J'adore l'ambiance de groupe, tout ce qui est groupe, quand ça part en sucette, tout ça, moi, j'adore. Hein. Ouais, tu veux mettre Capello. C'est vrai que moi aussi, je suis plutôt groupe. Hein. Faut quand même le reconnaître, c'est une constante chez nous. Hein. Tout seul, reconnaître tout seul, c'est monotone. C'est vrai. On connaît que plus t'es, plus c'est facile. Regarde, ça vient plus facilement quand t'es à plusieurs, quand même, reconnaît, Gérard. C'est vrai. Bon, Fildar. C'est jeu de 20h, dégage. Je suis un fric. Oh, standard. Il est high compagnie. Oh, standard. Capello, c'est pour ça. Oh, standard. C'est un hommage. Allez, au standard. Qui va la réa? Manu Auréa. Ok, super. Si vous aimez les grosses, elles se trouvent en voiture 35, les grosses voitures 35. Je t'avais prévenu lors du deuxième débat que je voulais pas que tu foutes ta merde, tu l'as fait, donc c'est ça fait. Marie Pierce. Ben moi je préfère travailler toute seule. Oh là là là. Ça va. Voilà. Franchement mieux toute seule que faire. Ouais d'accord, ok. Double quand même. Maresmo. Ouais non mais je préfère ensemble, je me débrouille mieux. Je suis très chaud. Maresmo. Ouais bon, moi je préfère en groupe hein. Puis bon, réviser c'est pas l'idéal, mais ça peut se finir en grand tous, tout ça, c'est sympa. Non, c'est plus cool en groupe. D'accord. Ah ben moi je peux vous dire que le mieux c'est en groupe et puis ben de bien réviser parce que c'est mieux qu'on ait plusieurs pour s'entraider. Hein. Je vais te demander, Gérard, est-ce que tu révises les annales avec Sandy? Alors toi, Pompon, tu vois, les annales avec Sandy, t'emmerdes, et moi aussi, et je te dis les annales, Gérard, au revoir. C'est le petit bouquin là, quand tu révises ton bac, au revoir. Gérard. Non, mais il s'en va. Manuel Fildard, au revoir à Pompon. Terminé pour lui, qu'est-ce que je lui dis? Tu lui dis au revoir, toi, je te reprends quelqu'un d'autre. Hop, terminé pour lui. Mais j'ai un peu oublié comment ça se passe le standard menu. Non mais attendez. Tu fais semblant de prendre des gens. Et... Non mais je veux dire, comment tu raccroches un mec? Bah tu sais, bah t'appuies sur le petit bouton off. Ouais. Voilà. Ah, attends. C'est lequel que t'as viré là, Pompon? Ouais, Pompon. Ok, je crois que c'est bon là. Ah là, c'est nickel. On accueille Blaise. Quoi? Énorme. Non, c'est ça. Vas-y. C'est ça, j'en ai en attente, c'est Blaise. Hein. Ouais, il arrive. Moi, Gérard, pour détendre un petit peu l'atmosphère, il y a un sondage sur l'IRC donné par Noix de Coco à la question « Pourquoi passez-vous le bac ?» Les jeunes lycéens imberbes ont répondu à 12% pour ne pas finir sur TF1 à 19h, 37% pour ne pas finir sur Fun à 4h du mat, 28% pour ne pas finir dans un foyer et enfin à 99% pour ne pas finir dans le break d'un gros port. Eh ben, son sondage de merde, il se le carre où que je pense, parce que ça, c'est de la saloperie son sondage, donc j'y répondrai pas. T'appelles d'où Blaise? Non mais il n'y a pas de Blaise, il a raccroché, je le rappelle. Il y a eu un problème de... Il a un Bouygues et il y a un problème de Bouygues. Ah non, si c'est un portable, c'est pas la peine de le rappeler tout de suite. Un Bouygues fixe. Non, c'est un portable, donc terminé. Il l'a collé sur une borne. Non, c'est un portable, j'en veux pas pendant le débat. Hop, terminé. Hop, c'est même pas la peine de le rappeler, tu prends quelqu'un d'autre, je le veux pas. Je veux aucun portable sur les débats. Ok, suite à de nombreux excès de boissons, nous vous informons que les toilettes des voitures 13 et 16 sont condamnées jusqu'à notre arrivée. Vous arrêtez avec ce bordel de merde là, hein, maintenant. Ok. Ça commence à m'énerver. Ok. C'est chaud. Ça commence à plaire, ce bordel. Hein. Ça s'appelle le deuxième débat que vous allez me foirer. Hein. Gérard, excuse-moi. Ça commence à plaire. Alors. Juste avant qu'on reprenne le fil du débat, hein, avec un peu plus de sérieux, on a Joyeux Noël à la place de Pompon. Salut Joyeux Noël. Salut Joyeux Noël. Bah, toi aussi. Hein. Bon Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. T'appelles d'où? J'appelle de Francfort. C'est-à-dire fréquence 101.50. 101.5 s'il te plaît. Ouais, parce que c'est un zéro après. Ouais, ben les zéros, ça y est, on les enlève. On les enlève. Voilà. Alors, que doit-on faire pour réviser facilement? Donc, 65% des gens répondent par correspondance. C'est vrai qu'il y en a qui le font par correspondance, d'accord. 35% répondent qu'il faut redoubler au moins deux fois. Bon, ça, il y en a beaucoup qui doivent redoubler chaque année. T'as redoublé, toi, Gégé? Moi, je l'ai pas passé, donc. Je ne peux pas te dire si j'ai redoublé. 29% pensent que c'est ma question trop perso. Bon, ça, non, parce que sinon, je ne serais pas là. 17% estiment que je suis mal placé pour qu'il me pénètre. Bah, ça, j'en ai rien à foutre de ce bordel de merde. Tourne-toi un peu, c'est mieux. C'est vrai. Ta gueule, toi, là-bas. Bon. Toi, tu fais ton boulot au standard et quand tu auras fait ton boulot correctement au standard, tu me prends 5. Je peux pas trouver des auditeurs et caresser Anka. Ouais, ben pour l'instant, tu essaies de lui expliquer comment que ça fonctionne parce que sinon. Je suis en train de lui apprendre les caresses. Ouais, ben sinon, tu touches ma caquette comme ça, tu fais. Oh, oui, c'est bon. Ouais. Non, mais tu essaies de lui apprendre comme il faut parce que si c'est elle qui te remplace après, ça va pas être. Je vais l'apprendre comme il faut, t'inquiète. Ah, ça y est. Il y avait longtemps. Ah, la cinquième question. Depuis quelle date existe le bac? Le bac. Depuis quelle date existe le bac? Manu. Oui, depuis 93. Oh, mais c'est ta cochonne, ça, Gérard. Ouais. Oh, la cochonne. Tu sais quoi, il y a mon chien qui bande. Alors, Moresmo. C'est pas moi, Gérard. Alors, c'est pas moi, Gérard. Tu me vires celui-là. Là, lequel? Maître Capello, bonne nuit. C'est Maître Capello, tu lui dis au revoir, comme ça, il ira sucer la bite de son chien lui-même. Vœu de mots. Allez, hop, terminé, Maître Capello, au revoir. L'émission sponsorisée par les camions Balbo. D'accord, ça continue. Alors, depuis quelle date existe le bac? Joyeux Noël. Bonne année à toi, Gérard. Joyeux Noël. Vous avez l'intention de poire le débat jusqu'à quelle heure? Résolution pour ce nouveau millénaire. Vous avez l'intention de poire le débat jusqu'à quelle heure, là? Bah, oh, Pilder et Manu, là. quoi? Vous avez l'intention de faire le débat avant 5h ou quoi là? Bah, j'ai rien fait moi. Non, si, moi je crois, hein. Je crois. Joyeux Noël, tu réponds? Oui. Bonne année. Ça existe depuis 1956. C'est instauré après la fin du règne de Napoléon. C'est tout ce que je peux te dire. Qu'est-ce que tu dis, Joyeux Noël? Parce que Gérard, t'écoute pas, il est en train de discuter avec Monique. Ah, d'accord, c'est bon. Attends, il est en train de griller la place à. Non, non, mais de toute manière, d'après ce qu'elle m'a dit, c'est bien avant. Hein. Ma mère vient de tomber dans le coma, merde. Ah, oh, merde, ta mère est morte. Joyeux Noël! Ok, la oui. Joyeux Noël! Oui. Je te préviens, tu restes poli quand même avec les gens qui sont plus âgés que toi, d'accord? Oui, bah, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, je peux te le dire, donc t'arrêtes un petit peu tes conneries, parce que sinon tu vas faire Joyeux Noël dans ton lit. Bah écoute, moi c'est la réponse que j'ai, c'est le dico que j'ai, donc voilà. Ouais, bah moi je viens de demander à la mère à Manu, et c'est bien avant 50. La mère de Manu. Oui, la mère de Manu. Pas la mère de Manu, pas la merde. Je crois qu'il y en a un, faut vraiment qu'il fasse là. Maurice Mo. Maurice Mo terminé. Ok, le mec. Allez hop, terminé, ça t'apprendra de vouloir jouer les gros bras avec ta voix. Jean-Luc Talin. Bon, ça s'est terminé cette histoire parce que j'en ai marre. Ouais. À la place de Maître Capello qui est parti, nous accueillons Timbre Poste de Toulouse. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Timbre Poste. Bonsoir, Timbre Poste. Bonsoir. Toulouse, fréquence. Toulouse 102.5. Bonsoir, Monique. Bonsoir. Après. Ah bah là, je cherche, hein, NK est sur la brèche. Bon, Gérard, pendant qu'il cherche, il y a une petite question de Snoo sur l'IRC pour calmer le débat. Gérard, non mais t'inquiète, elle travaille. Ouais, non, elle travaille pas là. Bah, c'est pas grave. Donc je disais, il pose une question, Snoo, qui révise son bac en ce moment d'ailleurs. Il demande si un mec rate 3 fois son bac. Est-ce que c'est là qu'on dit qu'il est bac plus 3? Non, parce que de toute manière, il n'y a pas de s'il rate 3 fois, il rate 3 fois. Donc. Il rate trois fois, donc il n'y a pas de bac, il n'y a pas de bac plus 3. C'est quoi un bac plus 3 hein? Ben, ça, c'est des je sais même pas si c'est des SI, c'est une capacité pour sûrement trouver du boulot, parce que maintenant, il y a des bacs plus 1, bac plus 2, bac plus 3, et puis ainsi de suite. Hein. Mais comment on fait pour avoir un bac plus quelque chose alors? Ben, ça dépend de ce qu'il veut faire lui dans sa vie, hein, parce que ça dépend des examens qu'ils ont à suivre hein, aussi. Hein. Est-ce qu'on peut être bac moins 20, par exemple, comme toi? Ah non, bac moins 20, je crois que ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas, ça. Bah, je crois. Hein. Non, à mon avis, non. Je crois pas. D'accord. Ok. Voilà, donc... T'as eu un stade de débat. Timbre Poste. Oui. Tu réponds à la question? Bah, je voudrais bien. Mais c'est sur sur l'étymologie, tout ça, là? En quelle année? En quelle année? Bah, je pense que c'était dans l'après-guerre. Churchill, tout ça, là. Parce qu'il cassait les couilles, Churchill. Alors, toi, je crois que tu as vachement bien compris la question. Attends, mais je sais pas. Franchement, depuis quelle date existe le bac? Ah, d'accord, le bac. Alors, c'est les années 60, je crois. Non, c'est bien... On en a déjà discuté. C'est bien avant les années 60 que ça existe. Tous les deux? Oh, je suis des cons, c'est bien. Marie Pierce. Avant de demander à Marie Pierce, excuse-moi Marie, hein. Ah, oui, félicitations. Je tenais à accueillir à la place de Mauresmo, Billie Jean. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gérard. Bonsoir l'équipe. J'appelle de. Bonsoir Monique. Salut Billy. J'appelle de Lille. Fréquence. 103.3. Ok. Bonsoir tout le monde. Billy Musical ou quoi? Bon, ça y est, ouais, vous arrêtez un petit peu là, vos conneries. Alors, je répète la question pour tout le monde. Depuis quelle date existe le bac? Terminé, je ne la répète plus. Quelle est la réponse, Gérard? Billy Jim, fin Renaissance, début René Coty. René qui? René Coty. Ah, d'accord. Tu peux me dire l'année? Oh, je ne sais pas, ça fait quoi? Ça fait 1340, 1350. Ouais, pas par là. Hein. Après, t'es né dans ces années-là, toi? Ben non, j'y étais pas, donc je te dis ça approximativement, tu vois. Ouais, ben moi, je te dis que c'est en 1900... C'est à mon large, quoi. En 1900... J'ai pas encore répondu, c'est Marie Pierce. J'ai mué entre-temps. Quoi? C'est Marie Pierce, j'ai mué entre-temps. Non, mais attends, toi, je te... Ah non, ouais, Marie Pierce, ouais. Ouais, bah tu vois, bah tu peux t'excuser, d'ailleurs. Ouais, si je veux. Alors, la question, c'était depuis quand existe le bac? Ouais. Bah, le bac, il existe, c'était entre la guerre du Vietnam et puis entre la guerre de Corée. Non, ça existe depuis... À peu près, mais 10 ans après. N'importe quoi. Non, mais moi, je peux te dire... Il y avait des bacheliers au Vietnam, donc c'était avant, forcément. Ouais, bah, t'as vu. Non, de toute manière, c'est avant l'année que... Joyeux Noël m'avait donné. Tu m'avais dit quelle année 56. Ouais, bah c'est un petit peu avant. Ouais, c'était exactement ça. Non, mais il faut une date précise peut-être. Non, mais un peu avant 56, je peux pas te donner des dates précises, c'est tout. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent se cultiver. Ouais, bah, de toute manière, si je vous dis. Je veux dire, là, tu fais un débat, c'est même pas la réponse à ta question. Mais ça y est, mais ça, je viens de dire que c'était avant 56, quel mois et quelle année. Je viens de te dire 1956, joyeux Noël. Tu te fous de ma gueule ou t'as les oreilles bouchées? Le mois et l'année. Mais l'année, je viens de vous dire 56. Et le mois. Oh là là. Et ta sœur? Il fait ce qu'il peut avec sa culture générale de caravane, là. C'est bon, là, les révisions sont-elles nécessaires? Alors, 75% disent peut-être de temps en temps de départ en vacances. 42% répondent oui, car c'est comme ça qu'ils ne finiront pas comme moi. D'accord, ça va. Pour le verglas. Faut avoir des 26% des gens disent non, car ils sont en foyer et n'ont pas d'électricité. Ça, c'est des conneries à un fil d'art, ça m'aurait étonné. Et 25% des gens répondent, ça dépend du tempo, du groove et de la dance. Eh ben, pourquoi pas non plus? Enfin. Je me sens intéressant, ces sondages. Ouais, c'est des sondages. Ça éclaire nos lanternes. Oui, ça éclaire tes lanternes, ça devrait éclaircir tes esgourdes que tu sais même pas. Oh. Parce que là, la dernière, et je vais le dire. Devant ton micro poulet, hein. La dernière, d'où viennent les révisions? 87% des gens qui disent viennent par l'A14. Alors, tu vois, ça, attention à la poubelle. Direct. C'est voilà. Parce que il y avait des trucs intéressants. Ouais, ouais, mais. Moi, je l'ai lu et c'est vrai que. Non, mais j'en ai rien à foutre. Terminé pour ça. Oui, une très bonne question de Style sur l'IRC. Il voulait savoir, quand on a déjà son bac, est-ce qu'il faut qu'on continue à réviser au cas où on nous le reprenne? Ben non, une fois que tu l'as passé, t'as pas besoin de continuer de réviser. Une fois que tu l'as, ils sont de vote pour bac. Il y a des votes de bac. Hein. Il y a des inspecteurs de bac, comme l'inspection sociale, tu connais ça? Ben non, mais de toute manière, ça, il y a des inspecteurs partout, mais ça, de toute manière, une fois que tu l'as, et puis c'est tout. Hein. Ouais, Manu? Non, rien. Donc voilà, question IRC, non, il y en a plus. Bah, c'en était une, ça, justement. Ah bon, bah, de toute manière, s'il y a des vols, ça, c'est entre eux, hein, parce que de toute manière, c'est vrai qu'il doit y avoir des vols dans tous les trucs comme ça. Hein. En tout cas, il y a M. Mazur qui affirme que tu as été interdit de 5 ans du bac parce que tu as pratiqué des fouilles anales sur l'examinateur en mystère. Bien sûr. Ouais, bah, M. Mazur, je l'emmerde. Comme ça, sa question, elle est vite répondue. Tu dis la question à tout le monde et puis on va mettre un disque, on va faire une pause et on revient. Ah, ça va faire du bien parce que c'est fouette là. Et pensez-vous que les diplômes du bac peut être utile, peut-être un plus, pardon, voilà. Et on se retrouve juste après, on va s'écouter, blablabla. La pépette d'Henri avec le petit chat câlin, c'est le... Quoi, le quinquennat du plaisir en break. Alors ça, des conneries comme ça, c'est même pas la peine de me le dire, hein. L'émission sponsorisée par RVC. Les débats Gérard, plus c'est tard, plus ça pue. L'émission sponsorisée par Chocopip. Bon, alors, tout d'abord, je préfère dire tout de suite aux auditeurs que le disque qui a été annoncé, donc ce n'est pas ça, c'est des Daft Punk. C'est pas quoi? C'était pas la pépette d'Henri comme... Devant ton micro. C'est pas du tout ce qu'avait été, donc... C'est quoi? Non, mais j'en ai marre de le répéter. Non, parce que j'en ai marre que vous me balancez des noms comme ça. Ok, alors terminé, je leur dirai pas. C'est des titres que les auditeurs ne veulent pas savoir connaître. Non. Donc c'est pas du tout ce que vous venez d'entendre, c'était les Daft Punk. Oui, et le disque, bon, c'est trompé, mais c'était la pépette d'Henri avec le petit chat câlin. Ouais, ben va te faire foutre avec ça, j'en ai... En plein quinquennat du... Ouais, ben toi, tu vas faire le quinquennat de tout à l'heure dehors. Tu vas aller faire un break avant. Alors, avec Henri, on récupère, joyeux Noël. Bonne année. Ouais. Timbre repasse. Ouais, bonsoir Gérard, salut Monique. Marie Pierce. Bonsoir. Ouais, bonsoir, c'est moi. Je t'aime, Monique. Ah, c'est gentil, ça. Ah, tu l'as pas vu. Effectivement. Et puis, Billy Jim, pour finir. Ouais, Billy Jim. Ouais, Monique, moi aussi, je te kiffe. Bon, ça va, là, tous les deux, là. Bonsoir, Monique, quand même. Bonsoir. Tu me fais rêver, Monique. Monique, tu kiffes tes pattes? Tu me fais rêver. Manu, tu peux gérer un peu. Tu peux les gagner un peu. Je peux gérer ma mère, je suis à l'arrière. Non, mais tu peux gérer les deux travaux, là. Tu me fais m'évader, Monique. Bon, allez, hop, tiens, repasse, au revoir, Billy Jim, au revoir. Allez, hop, terminé, Billy Jim et le Billy Jim, au revoir. Et t'as me repose, au revoir. Non, mais j'ai rien dit, moi. Au revoir, t'as me repose, Billy Jim, au revoir. Au revoir, Billy Jim. C'est carré, tout est propre. Donc, deux, hein. Ouais, joyeux Noël et Marie Pierce. Ouais, c'est nous. Donc, Rigo, la question hier soir, essentiellement sexuelle, il y a beaucoup de gens, comme fait chier mon partiel, qui demandent s'il faut sucer dans, pour avoir son bac. Si l'examinateur est un homme, bien sûr. C'est qui pose ça, c'est une femme. C'est fait chier mon partiel. Mais c'est quoi, c'est un mec, c'est... Je sais pas. S'il a envie de sucer quelqu'un, c'est son problème, c'est pas le mien. Hein. Mais est-ce qu'il aura son bac, du coup? Non, il croit pas avoir son bac s'il s'amuse à vouloir jouer comme ça. Hein, T'as déjà essayé? Non, mais moi je te dis que s'il s'amuse comme ça, ils auront rien du tout, les mecs. Et après? Et après, il sait pas quoi faire, du coup. Il sait pas quoi faire, celui qui passe, moi, dans sa carrière, il essaye de faire ce qu'il... de sucer son prof, et puis il verra bien ce que ça y est. Et ça marche pas. Si ça marche pas, c'est pas la peine qu'il assiste, hein. Ah, d'accord. Et on est combien, là, sur l'IRC? On est toujours beaucoup, on a monté un peu, on est 8722. Et voilà, tu vois, 8722, tu vois. Il me demande comment que je peux venir à 4h35 du matin pour un truc comme ça. Alors la question avant Gérard, on accueille à la place de Timbre Poste, Edith Poufias, bonsoir. Oui, bonsoir Gérard. Tu te calmes ou quoi toi, ou je te calme? J'aimerais bien que tu me calmes. Poufias, Edith. T'appelles d'où? On m'appelle Poufias. Ouais, Poufias, t'appelles d'où alors? Edith, il t'appelle pour toi. Tu me donnes ta fréquence et tu te la fermes. T'appelles de quand? Ta fréquence, quand, c'est quoi? 102.8. Enfin, quand même. Très bien. Et après? Après, tu restes calme. Non, mais c'est pas à toi que je m'adresse, c'est un fil d'art. Très bien. Mais qu'est-ce que tu veux? Après, tu sais qu'on a d'autres. Justement, je travaille pour ça. Je travaille dans ton sens. Voilà, Emmanuel, c'est quoi ce son-là? Tu vas. Non, Philou. Ah, c'est bizarre. Alors, pensez-vous que le... C'est rien, c'est le mec qui teste la R1, mais c'est pas grave. Pensez-vous que le bac, pensez-vous que le diplôme du bac peut être un plus? On vous demande un joyeux Noël. Joyeux Noël, un plus. Bonne année. Oui, en même temps, ça te sert pas à grand chose. Hein. C'est un bout de papier. Hein. Mm-hmm. Donc voilà, tu mets au mur, mais voilà, ça te sert qu'à ça. Ouais, si t'en as besoin pour trouver du boulot, ça m'étonnerait que tu vas le laisser au mur. Tu donnes pas ça, tu donnes un CV, parce que le diplôme du bac, il s'en tape, quoi. Ah ouais, mais t'as certains employeurs qui te les demandent si tu l'as ou pas, hein. Ah non. Ah bon, si t'as... Si tu crois, tant mieux pour toi. Ça y est, c'est bon, 5 minutes, s'il vous plaît. Je voulais dire que ma mère m'a appelé, ça va. Elle s'est réveillée vers 4h22. Elle m'a dit qu'est-ce qui se passe, sa gueule et tout. Je suis non, mais réveille-toi, mais enfin rendors-toi, maman, c'est pas grave. Non, mais sinon, à part ça, on accueille Ustik, bonsoir. Comment? Bonsoir. Ustik. Ustik. Ustik. Ouais, Ustik. L'émission sponsorisée par les prothèses à cajou. T'appelles d'où? Moi aussi j'en veux une. Bonsoir. T'appelles d'où? Ustik de Weed. Gérard, tu pourras avoir des prix, toi, sur les. Tu peux fermer ta gueule quand je demande quelque chose à quelqu'un? Très bien. Gérard, une petite, anecdote de... Attends, parce que c'est pas la fréquence de l'autre. Ustik de Weed, donc 117.3. Bonsoir. Ustik de Z. Donc, une petite suggestion de Killer One sur l'IRC. Il dit que puisqu'il a déjà un métier et qu'il a besoin de thunes, est-ce qu'il peut vendre son bac, puisqu'il en a plus besoin? Ça se vend pas, un bac. Une fois que tu l'as, tu le vends. Je crois que tu peux le vendre. Tu crois que tu vas vendre ton bac, toi, tu as triché sur le nom? C'est bien possible. Ça m'étonnerait, oui. Je voulais savoir, tu parles de vendre des trucs, je voulais savoir si t'es changé toujours tes tickets resto qu'on peut abonner au Tiquito. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ouais. Au revoir. Je sais pas, c'est samedi, l'autre fois, il m'a dit, je mettais des doigts, il m'a raconté ta vie et tout. Ah ouais, tu vas te mettre deux doigts dans ton... Tu vas te mettre deux doigts dans ton cul. Tu vas te mettre deux doigts dans ton cul, tu dis au revoir. Tu vas te mettre deux doigts dans ton trou du cul et je te dis au revoir. Bon, j'arrive. Hop, au revoir pour Joyeux Noël. T'as raison, laisse-la tranquille, Jean. Joyeux Noël terminé, hein. Joyeux Noël, c'est fini pour elle. Oui, mais c'est fini, là, on est en juin. Mais presque au 14 juillet. Non, mais tu lui dis au revoir, on prendra quelqu'un d'autre après. Alors, okay, Marie Pierce. Ouais. Moi, tu vois, il y a une question que je me pose déjà. Je me dis, c'est pas normal, toi, tu fais un débat sur révision, sur le bac, mais toi, déjà, est-ce que t'as le bac? Quelle mention t'as eu? C'est un peu tout raide là ce que tu dis. Je vais te dire une chose, Marie Pierce. Ouais. Depuis tout à l'heure, si t'as pas entendu, c'est Fildar qui m'a posé la question, je t'ai dit que je ne l'avais pas. Alors tu vas pas me gonfler avec ça parce que tout à l'heure tu as gerbé aussi toi. Ah, t'as pas ton bac, Gérard? Oh putain, mais non. Et t'animes des débats? Et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre? Ça veut dire que quand t'as pas ton bac, en général, t'es pas très intelligent, tu vois. Bon, alors, Marie Pierce. Marie-Pierce. J'ai pas la même voix, j'ai une voix d'homme, moi. Ouais. Alors, Poufias. Ouais. Au revoir. Moi, Gérard, c'est... Allez, au revoir, Poufias. Au revoir, Poufias. Ah, Gérard, c'est Marie-Pierce. Je peux plus savoir. Alors, Marie-Pierce, au revoir. Non, n'importe quoi, j'ai une grosse voix. Allez, hop, terminé. Non, mais tu vires tout le monde, Gérard. Vous cherchez du monde au standard, c'est tout. T'es en train de travailler ton passing shot, là, Marie, hop là. Attends, c'est bon, on va arrêter de virer les gens et tu vas faire un peu ton débat comme une... Non, mais toi, tu vas perdre déjà ton boulot au standard quand tu dis au revoir à tout ça. Ça fait au moins 10 auditeurs que je te balance en moins de 10 minutes, là. Ouais, bah, peut-être, mais... Moi, je veux pas le savoir, c'est des connards parce qu'ils savent pas ce qu'on leur dit. C'est faux. Ouais, qu'est-ce que t'as, toi, Poufias? Non, c'est Ustik. Poufias, tu l'as viré, je te rappelle. Ustik. Donc, j'ai quand même réussi à choper Blaise. Tout à l'heure, j'ai essayé de l'appeler, c'est occupé. Blaise, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Blaise. Bon, t'appelles d'où? Tout à l'heure. J'appelle de Paris, moi. 101.9. Hein, bon. J'espère que c'est pas avec un portable, hein. Ah non, pas du tout, hein, j'ai. Ok. Et j'embrasse Monique, hein. Ouais, vous arrêtez un petit peu avec ça. Merci. C'est charmant. Ah oui. Rigaud, ouais, pour calmer un peu. Alors, j'en avais une bien, mais je vais en récupérer une en route. Il y a Père Soliassi, il te demande si on voit mieux les plaques de verglas avec le bac. N'importe quoi. Alors ça, c'est des questions cons que je répondrai même pas. Mm-hmm. Donc voilà. Donc c'est tout. Non, je sais pas, il y a Fred M qui dit que t'es censé boire à plusieurs, mais je vois pas le rapport. Non, je vois pas du tout le rapport avec les examens et les révisions, c'est pas mal. Mmh. Mais Gérard, lui, c'est un verre, ça va, trois verres, c'est mieux pour moi. Et toi, c'est un verre, ça va, deux verres, ça va, trois verres, bonjour les dégâts, d'accord, avec ta 205, ok. On a bien entendu, salut. Avec Super G9. À la place de je sais plus qui, parce que t'en vires tellement, on accueille Vieille Vicieuse, bonsoir à toi. Vieille Vicieuse. Salut Gérard. T'appelles d'où? J'appelle parce que je voudrais faire un truc à trois après. T'appelles d'où? Je vais me faire fouetter par des tresses. Elle appelle de Bordeaux. Hey, la Poufias, là, t'appelles d'où? Non, c'est pas la Poufias. C'est la Vicieuse, elle appelle de Bordeaux. Et la Vieille Vicieuse, là, t'appelles d'où? Tu parles pas comme ça de la mer à bas nu, attention. Oh, ta gueule, toi, je t'emmerde. Oh, c'est chaud ce que t'as dit, là, et je boycotte. Je t'emmerde. Bah, t'appelles d'où, là, Bordeaux? Bordeaux, 80. T'appelles d'où, Bordeaux? Oh. Elle appelle de Bordeaux, la Vieille Vicieuse. Trop quand il crie, Gérard. Oh là, mais celle-là, celle-là. La fréquence de Bordeaux. 92.3. Et parle un peu plus fort, Vieille Vicieuse. Ouais. T'as intérêt de la réveiller, puis de casse-calme, parce que sinon, moi, je vais la calmer tout de suite, celle-là. Je vais réveiller, là, je me prépare, on va venir faire des trucs, tu vas venir faire des cochonneries. Bon, alors, toi, je sens que tout à l'heure, tu vas pas finir le débat, je vais te gerber d'entrée, toi. Mais qu'est-ce qui te fait peur, qu'elle soit trop belle, ou... La question, pensez-vous que le diplôme du bac peut être un plus? C'est la dernière fois que je répète la question. Alors, Vieille Vicieuse. Ouais, dans ma boîte à tous, on a besoin du bac, ouais. Oh là là, ouais. La boîte à tous avec tonton. Bon, alors, Vieille Vicieuse, tu sais ce que tu vas me faire? Non, mais attends, tu vas aller voir Fildar au standard. Tu vas laisser ton numéro de téléphone tout de suite. Tu vas aller voir Fildar au standard, il va t'expliquer comment que je dirige un débat, d'accord? Ouais, je suis Fildar. Ah bah t'as raison, bah si c'est plus dedans. Tu me la réveilles un peu plus celle-là parce que sinon... Je peux pas la réveiller, elle est vicieuse. Non mais je veux pas que ça marche. Blaise. Ouais. Le bac ça sert pas trop à rien. En fait, il y a les adultes qui disent que ça donne une clé pour ensuite faire de la, enfin aller à l'université, tout ça. Mais je trouve que les adultes sont débiles aussi. Hein. Mmh. Et moi, je pense qu'en fait, le bac, c'est pour rassurer les parents, pour dire que bon, on a travaillé, on a 18 ans, on a travaillé, tout ça, on s'est dépucelé dans l'année, c'était tranquille. Et qu'ensuite, il faut aller à l'université. Et après là, à l'université, bon, on se rend compte que bon, les femmes, elles sont pas adaptées à nos besoins, et qu'il vaut mieux aller voir des femmes plus matures sexuellement plus matures. Ouais. Et c'est pas genre des gamines comme Anka ou Noémie. Voilà. Alors je vais te dire une chose, que les deux nanas qu'on a au standard, si elles sont comme elles sont et c'est tout, d'accord? Non, mais si ça te plaît, si ça te plaît pas dans ces cas-là, t'écoutes une autre radio et tu nous emmerdes pas. Non, mais moi j'ai okay pas voilà. Parce qu'il est bien chaud. Hein. Ouais, bah moi je te dis, si ça te plaît pas les deux nanas qui sont au standard, eh ben si ça te plaît pas, tu changes de radio et tu fermes ta gueule. Moi, c'est tout. Je voudrais qu'elles soient un peu plus vicieuses, c'est tout. Justement, j'en ai mais t'as pas compris ce que je viens de te dire? Oui, tout à fait, hein. Bon. Je t'accepte hein, en tant que cotiste. Hein. Ouais, bah moi tout à l'heure, je vais pas t'accepter longtemps, toi. Je crois que je vais te gerber, mais vite fait, bien fait, toi. Gérard. Ouais. Donc, j'ai calmé Vicieuse, la vieille. Oui, ça va mieux, Gérard. Ah, ça voilà. Y est, quand même, ouais. Et... Mon m'a calmé. Oh là, c'est qui là? Oh, il y a interférence. Oh là. Et à la place... qui... Oh, l'interférence là. Oh, l'interférence, présente-toi. Vas-y, dis bonsoir. Voilà, il y a quelque chose qui va pas au standard. Oui, mais je vais gérer. Et on accueille aussi Pousse Varotti, bonsoir. Oh, Bonsoir Gérard. Okay, bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est quoi là? Bonsoir le ténor. Gérard. T'as Rotule qui fait mal. Ah, c'est qui là? C'est bon, c'est qui qui a un portable? Non, personne, c'est bon, c'est moi qui en fait vos interférences avec mon portable dans ma poche. C'est la Rotule. Ah, excuse-moi. C'est chaud, hein. Gérard, t'appelles d'où, Fous Varoti? Je t'appelle de Paris. Chante, ma grande. Okay. Donc il y a énormément de gens sur IRC qui m'ont posé, donc je vais pas citer les noms. Qu'est-ce qu'on peut faire comme métier quand on n'a pas le bac à part routier? Bah t'as plusieurs possibilités, manutentionnaire, magasinier, animateur de débat de merde. Alors toi Blaise, l'animateur, c'est pas Blaise, c'est qui? Ah devine. C'est pas Pavarotti? Ah bah non, il vient d'arriver. Non, non, c'est pas moi, je viens d'arriver. Non, c'est... Ah, c'est pas moi, tu chauffes, Attention, c'est pas moi. C'est pas grave. Non, non, c'est pas Vieille Vicieuse, c'est l'autre, c'est l'autre. Moustique! Au revoir! Bingo! J'ai retrouvé ta voix, au revoir! Hop là, il a retrouvé. Manuel Fildar! Ouais. Tu lui dis au revoir, Moustique, au revoir. Terminé. Au revoir, j'ai dit. Putain, tu vires tout le monde, GG. Au revoir, c'est relou. Voilà, donc, ouais, Rigo, donc, t'as pas trouvé à peu près? Y avait pas de questions, on peut continuer? Non, à part des vieux jeux de mots à 2 francs, y'a rien. Bon, alors, Vieille Vicieuse. Oui. Et comment, comment on est habillé quand on révise? Oh là, qu'elle est con celle-là, mais alors, grave de chez grave. Pensez-vous que le diplôme bac peut être un plus? Ah, ouais. Mais je te l'ai dit tout à l'heure, je crois déjà. Non, parce que tout à l'heure, t'étais à moitié dans... Ah oui, j'étais pas dedans, hein. Je te parlais de ma boîte à tous où t'avais besoin de ton bac avant de rentrer, quoi, c'est tout. Bon, alors, ouais, t'es... Ouais, non, mais... Bon, elle est juste parce que c'est vrai que les putes bac plus 10, ça casque plus que les... Non, pousse la... Pousse la rôti. C'est pas moi qui ai dit ça. Non, mais justement, tu réponds à la question. Ah, excuse-moi. Bah, j'ai pas très bien compris la question, j'étais au standard. Mm-hmm. Oh, ça, c'est nul, ça. J'en suis désolé. Ça, franchement, je suis vraiment désolé, Gérard. Non, mais là, je crois que vous foutez de ma gueule ou quoi, là, ce soir? Non, je ne me permettrai pas. C'est pas le but. Il est déjà 5h moins le quart et il reste plus qu'un quart d'heure avant la fin du débat. C'est bien possible qu'on se foute de... Enfin... Ouais, de ma gueule. Bah, Non, j'ai pas dit ça, Gérard. Non, non, non. Alors, tu te débrouilles, t'essayes de savoir ce que j'ai posé comme question. Alors, je vais répondre un peu à côté. Oui. Donc, le bac, c'est nécessaire, c'est ça? Alors c'est la dernière fois que je la répète, celui qui va arriver, t'as intérêt de lui avoir posé la question parce que je veux pas la répéter, hein. Ouais. Alors, pensez-vous que le diplôme du bac peut être un plus? Ah oui, c'est sûr. Mais un plus, pourquoi, Gérard? Il faudrait que vous auriez dû poser la question, les auditeurs, hein. Vous êtes vraiment nuls. Ah, non, mais justement, je l'ai déjà dit pourquoi, c'est pour essayer d'avoir plus facilement du boulot. On l'a compris, nous, la question, Blaireau. Mais alors, le Blaireau, t'en mets un pouce Pavarotti. Mais non, c'est pas pouce Pavarotti. Alors, c'est Blaise. Non, mais ce que je veux dire, un plus, ouais, pour le boulot. Mais ça peut être un plus pour autre chose. Ah non, moi je me suis fait des meufs en disant que j'avais le bac. Et non, mais attends. Non, puis avec le bac, tu peux faire avoir d'autres diplômes parce qu'il n'y a pas que le bac. Ouais, mais ça dépend ce que tu veux faire dans la vie. Bah oui, tu peux avoir un BTS, tout ça, tu peux aller à la fac. Tout ça dépend de ce que tu veux faire après comme étude. Hein. C'est vrai qu'il y a l'université, bien sûr, avec le bac. Ça veut dire que toi, en fait, dès tout petit, tu savais que tu voulais être routier. C'est pour ça que tu as arrêté en CM2. Bah non, mais moi, de toute manière, c'est pas moi qui ai voulu arrêter, c'est que ça s'est passé comme ça. Ils ont voulu que t'arrêtes. Non, mais ça s'est passé comme ça, c'est tout. Tu voulais faire de la Formule 1, voulez. Oh non. Alors, quelles sont les différentes matières qui composent le bac, Mathieu Mansell? Attends, avant, j'avais un truc là. Oui, voilà. Mets un truc sur la joue, oui. Sgeg de... Il y a Sgeg de Babouin, rien à voir avec les fesses, vu que là, c'est le Sgeg. Il voulait savoir si tu regrettes de ne pas avoir le bac. Non, pas du tout. Alors là, je m'en fous complètement, moi. Tu penses pourquoi? Je m'en fous complètement. Mais pourquoi tu t'en fous? Non, mais moi j'en ai rien à foutre. Ça aurait pu t'ouvrir des portes. Hein. Bon, non, pas du tout. Au contraire, c'est en ayant un bac que ça va t'ouvrir. Ça t'aurait pu ouvrir les mêmes portes, quoi. Non, mais je vais te dire une chose, que ça m'étonnerait qu'avec un bac, tu peux avoir plus facilement du boulot, ça c'est faux. Hein. Tu peux déjà avoir un foyer 3 étoiles. Avec un bac, justement. Toi, Pildar, tu vas fermer ta gueule et puis Manu, ça va être pareil parce que vous commencez à me casser les couilles avec le foyer. Je sens que ça va être les deux dernières questions et je vais me tirer après. Ok? Bon. Là, vous êtes deux connards. Ceci dit. Alors. Manu, ceci dit, en temps de passion, on a quand même bac à chat. Bonsoir. Bonsoir. Putain, j'ai dit que moi aussi j'avais des vieux jeux de mots. Bonsoir, c'est bac à chat. T'appelles d'où? J'appelle de Boursiflotte sur Bouzion. Alors, je vais te dire une chose. Bonsoir. Tu me donnes la fréquence, s'il te plaît. 118.8, bonsoir, c'est bac à chat. Bonne fréquence. Alors, la question, quelle est la différence, quelles sont les différentes matières qui composent le bac? Alors, bac à ça? 15% d'aluminium. Du polyester. Ouais. Il doit y avoir aussi des matériaux de synthèse, je pense. Non, là, c'est sa rotule dont vous parlez. Le truc de Stivostine, là. Non mais non, là ça vaut pas 3 milliards. Et vous avez le tic tic tic tic tic. Bon, alors pousse-moi un outil. Tu vas aller te coucher parce que je vais gérer rien. Non, il dit rien, c'est pas lui. Au revoir. C'était Blaise qui déconne. Non, mais justement, rien dit. Justement, tu dis à Blaise bonne nuit, comme ça aussi, ça m'en fait deux de moins. Mais non, Pousse Varotti, il a rien dit. C'est pas Blaise en plus. C'est Marie Pierce. Non, il n'y a pas de Marie Pierce. On sait, Non, il y a longtemps qu'elle est virée, celle-là. C'est Bézu. Non, tous ceux-là, ils sont déjà virés depuis longtemps. Ah merde. Bon, c'est quoi la question, là? C'est qui? Là, oui. Voilà, c'est Pierre. C'est Thierry. Oh là là! C'est Blaise. Putain, la file d'arbre. L'électresse vie vicieuse. Qui est bien calme, ça m'étonne. Ouais, je suis bien calme. Hein. Blaise, Pousse Varotti et voilà. Bac à chat. En fait, le bac, c'est rare, il y a plusieurs matières. C'est ça la question, en fait. Ouais, voilà, ouais, quelles sont les différentes matières qui composent le bac? Ah, bah, il y a un petit peu de tout. Bah, déjà, il y a deux jeunes auditrices qui sont passées tout à l'heure qui disaient qu'elles est passé le bac de philo. Il y a la philo, il y a tout, hein, maths, histoire, géo, ça dépend des, en fait, ça dépend si c'est A, B, C. Si non, ça c'est vrai, ça dépend des sections, des sections. Non, mais ça, faut se dire une chose, qu'il y a plusieurs matières, et puis ça, toutes les matières, on peut pas, sinon ça va, on va s'éterniser sur ça. Il y a la philo, il y a le français, il y a les maths, il y a la géographie, il y a la chimie, tout ça dépend de ce que vous voulez faire. Le français, le bac français, tu le passes pas avec les autres bacs, en fait, tu le passes en première. Non, Monique, c'est en fin de temps. Vous vous calmez là derrière quand quelqu'un parle, merci. Manu, quand ma mère parle, je sais. D'accord, tu coupes les auditeurs parce qu'on n'a pas besoin de. Là, on comprend rien. Ils vont bander en antenne. Okay. C'était juste pour confirmer que ça se passait bien en fin de première. Donc en fin de première, le français, d'accord. Mais vous poussez la 2 à combien? À 8000 tours? Parce qu'en fin de première, ça hurle déjà. Bon, toi, avec tes génial, Gérard, quand t'as un moustache qui s'irise comme ça, tu me fais kiffer. L'émission sponsorisée par Destock. Bon, qui c'est qui vient de répondre? C'est Blaise qui vient de répondre. Oui, Blaise disait avec toi qu'il y avait pas mal de matière. Bon, vrai, hein. Je voulais juste rajouter que Vieille Vicieuse avait dit que ma mère avait une sale voix, donc c'est pas ça. Ah bon? Ça, c'est pas gentil. Ouais, c'est vieille Vicieuse. Vous fumez trop, Monique. Bon, alors au revoir. Voilà, tu iras dire ça dans ta chatte. Allez hop, tu lui dis au revoir. Allez, terminé. C'est vrai que le crack ravage les cordes vocales. Bacacha. Ouais, tu peux appeler Calin, hein, tu n'hésites pas. Bon. Hey, t'avais pas un vieux chat pourri qui s'appelait Calin? Bon. Attends, Gigi, il est 5h, on peut se lâcher quand même. Bah non, mais moi je te dis que ce matin, Bacacha, tu dégages. Ouais, bah non, attends, ça va. Non, mais au revoir, Bacacha. Bon, bah toi, bonne nuit à tout de suite. Voilà, ouais, bah bonne nuit, au revoir. Retourne au paradis. Des alors, pousse la rôti. Ouais, bah c'est clair. Il y a déjà tout ce que disaient les autres tout à l'heure, qu'il y a plusieurs sections, ouais. Donc différentes matières. Bah, c'est ce qu'on vient de dire. Bah oui, bah, c'est bien taffé. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Voilà. Sur RC, tout à l'heure, on me disait que tu avais oublié la matière sanitaire et sociale, mais venant de toi, c'est un peu normal. Alors ça, sur l'IRC, ils commencent à me les gonfler avec leur question de merde. Non, mais il y a tout simplement le sport, hein, c'est les gens qui font sport-études. Ah, non, mais c'est un bac. Ouais, mais alors pourquoi qu'il n'y a pas le bac de sport en chambre aussi, ton cuillé? Ah, ça peut exister aussi, un bac sport en chambre. Je suis pété de rire. Un bac, dis-moi Gérard, ouais. T'as oublié d'être drôle ce soir ou pas? Non, mais moi je te pose la question, alors voilà. Ah ouais, je pose la question à Manu. Il y a des limites, tu vois. Ouais, bah attends, si dans je veux... Il y a des limites quand même. Ouais, bah si ça te plaît pas, mon pote, c'est le même prix. D'accord? Très bien. Voilà. Bon, tu fais quoi là, Gigi? 8e question. Voilà. Écoutez-vous la radio? Attends, justement, avant que tu bougez pas, hein, les auditeurs, je vous mets à l'antenne. Juste avant que tu poses la question, on va accueillir, bien sûr, les nouveaux. Avec Gros Mulot, bonsoir. Bonsoir. Putain, il commence à faire un jour. Hein. C'est vrai? C'est chaud, c'est le marathon, ça allait trop loin. Hein. C'est vrai, demain. Alors, Gros Mulot, vacances. Bonsoir, je peux de Romy sur scène, 101.7. Bon, mais ouais, 101.7 à Paris. Mmh. Et on accueille Dr Slump, ça crève. Ça crève, Dr Slump. Les enfants, ça. Et Dr Slump, bonsoir Gérard, bonsoir l'équipe, bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle de Pithiviers. Se foutre un coup de bite à Aral de façon. J'allais le dire, merde. Aral. Putain. La fréquence 113.5. Il paraît que les corbeaux ils volent à l'envers chez toi. C'est chaud chez moi. Alors la question c'est écoutez-vous la radio pour réviser les examens. On va demander à Pousse Vavarotti. Quoi, j'ai rien compris à ta question. Écoutez-vous la radio pour réviser les examens. Ah ok. Ce français clair n'est précis. Ouais mais c'est en fait c'est bien hein, aussi hein. Enfin bon. Si ça te plaît pas, c'est le même prix. C'est bien, moins quand même. Non, j'écoute pas la radio pour réviser puisque tu vois si j'écoute un débat comme ça me déconcentre plutôt que tu vois. C'est ça. Réviser, quoi. Tiens, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu peux écouter à la radio qui peut t'aider à réviser? Ouais, déjà. Quelque chose que ouais. Des cours ou c'est carrément autre chose dans le style de la musique classique ou des gens qui parlent et ça parle pas des cours. Non, mais de la musique. Par exemple, on n'aurait pas fait la nuit marathon. T'en as que je suis sûr qu'ils auraient écouté la nuit jusqu'à 6h avec je sais plus qui était là. Donc ils auraient pu. Jérôme. Ils auraient pu écouter la fun jusqu'à 6h du matin pour réviser. Hein. Mm-hmm. Ouais, Rigo. Non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais il n'y avait pas une question, non? Il y a un petit sondage de Monsieur Mazur. Non. Alors, le sondage de Monsieur Mazur, c'est pas la peine, j'en veux pas. Oh, donc, comme ça va plus vite. Ah, si. Et alors, il y a une petite suggestion de Judge de Lyon. Pour calmer le débat, il dit que pour un examen médical, est-ce qu'on peut regarder des radios de rotule, du coup, ou autre, pour se détendre? Alors, ça, c'est une question qui est pourrite, alors j'y répondrai pas. Comme ça va encore plus vite. Ça va mieux pour, ça va aller mieux, hein. Tu me diras que le prochain. De votre micro, tu paieras pas plus cher. Le prochain qui s'amuse à vouloir dire des conneries sur les révisions en parlant de ce que j'ai eu, c'est même pas la peine d'essayer que Rigo vous les lise parce que je ne répondrai pas à la question. C'est clair. Tiens, oui. Oui, justement par rapport à ton opération, j'en parlerai pas, mais je voulais savoir, est-ce que c'est comme les voitures, t'as des révisions à faire, genre pour voir si ta rotule tient le coup ou si t'as pas la patte qui flanche? Non mais ça je répondrai même pas, tu vois, c'est... Est-ce qu'au bout de tant de kilomètres de marche, tu dois... Bon, allez, il n'y a plus besoin puisqu'il s'est fait opérer pour enlever la Ferrari. Bah ouais. Non, allez, Ferrari, je crois que... Il a rien compris. La consolidation, ça tient. C'est biodégradable. Blaise. Oui. Silicone. Ouais, bon, pour les radios, ça dépend ce que t'écoutes. C'est mieux d'écouter de la musique. Allô? Ouais, je t'écoute. Oui, c'est mieux d'écouter de la musique plutôt qu'un du blabla qui va te prendre la tête, quoi. C'est vrai. France Culture, ça peut être sympa pour réviser, non? Ah non, ça doit être bien casse-couille. Le portable! C'est pas moi. Hein. Apparemment, on a pas le guitare. Ouais. Faut arrêter. C'est qui? Ça devrait se calmer. Pas, pendant ce temps-là, Gérard, sur IRC, comme ils savent plus trop quoi poser comme question, il y a Cocoon sur IRC, il te demande à quelle question est-ce que tu réponds? Bah, je réponds à la 8e et c'est tout. Alors comme ça, lui, il va se calmer un petit peu parce que vous commencez à me les gonfler sérieusement ce coup-là. C'est vrai. Gros mulot pour continuer. Ouais, bah à propos des radios, bah moi je t'écoute, on sait jamais, si jamais pour demain, sur le bac, si en philo je tombe sur la boulimie, sur l'autoroute ou le quinquennat, bah je vais cartonner grâce à toi. Alors sur la boulimie, je crois que t'es vachement en retard. Que j'ai un sujet là-dessus. Non, mais je crois que t'es vachement en retard sur la boulimie, il y a longtemps que le débat il a été fait. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, sur le quinquennat, pareil. Ok, super. D'accord. Docteur Small, là, ouais, Slump. Moi, j'aurais voulu savoir si tu trouvais que c'était vraiment judicieux de faire des débats cette nuit, parce qu'en fait, demain, il y a examen. Et voilà, qu'est-ce que tu vas dire à tous les parents qui vont te faire des procès, parce que les gamins, ils auront raté la philo, parce qu'ils ont écouté le débat de GG, tu vois. Qu'est-ce que tu vas leur dire à tous ces parents dont tous les espoirs qu'ils avaient placés dans leur petit chérubin? Hein? Ouais, non mais ça de toute manière je peux vous dire que je connais. Ou tu vas tout mettre sur le dos de Max comme d'habitude. Des procès, moi je te le dis tout de suite. Docteur Small, au revoir, comme ça tu diras plus de conneries. Non mais attends, mais moi je te dis, il y a des gens qui nous écoutent à l'heure actuelle, donc ils ont pas besoin d'entendre de tes conneries, d'accord? Alors de bon entendeur, salut. Est-ce que ça les aide? Gérard. Pilar. Oui c'est bon. Tu me diras. Je finis les blagues du moment. Non mais oh. Mais Pildar, tu finiras ta blague demain, tu me diras docteur Small là. Au revoir, celui-là, ça y apprendra à dire des conneries sur. Gérard, je vous dis que sur IRC, ça monte, on a dépassé les 9000, à cette heure-là, c'est incroyable. On est 9140, tout pile. Ouais, ouais. Et il y a une très bonne suggestion de Zébulon qui te demande. c'était peut-être pas... Ah non, c'était Sker, excusez-moi, qui te demandait quelle est ta matière préférée. Et non, mais ils sont complètement cons, quoi, sur le... Ils sont complètement cons, quoi. Ils ont oublié que t'étais jamais allé à l'école. Ouais, ils croient, hein, faudra peut-être qu'ils... Je crois qu'ils ont oublié aussi, ouais. Ouais, et je crois qu'ils ont pas compris ce que j'ai dit au début. Gérard, si t'avais eu l'occasion de faire de longues études, t'aurais fait quoi comme métier? Ah oui, éteins la machine. Éteins la machine, ouais, c'est mieux. C'est vraiment, c'est vraiment. On va être tranquille. Hein. Ah, Gérard, je t'ai posé une question quand même. Bah, de toute manière, ce que j'aurais voulu faire, bon, très, très dur, je peux te dire que. Je pense pas que t'es assez intelligent pour répondre à cette question. Non, mais j'avais pas mal d'idées en tête, comme. Il est 5h du mat, on est torché là, vas-y. Non, mais de toute manière, c'était travailler dans des bureaux, c'est tout. Ah bon, faire quoi dans des bureaux, ouais. Bah, se taper sur ordinateur ou sur une machine à écrire, voilà. Donc, conclure, on va perdre. Putain, ça devait être beau. Oh putain, qu'est-ce qu'il y a à me faire, lui. Il y a du nouveau, il enchaîne fil d'art et travail. Non, c'est des questions qu'on m'a souvent posées au standard quand j'ai essayé de dénicher des auditeurs. Bah, Lyon. Bah oui, mais c'est important, et toujours, on va savoir. Je veux dire une chose, tu pourrais encore écrire en pâte de mousse, je comprendrai, il me faudra mes lunettes, le prochain coup je prendrai mes lunettes de soleil, d'accord? D'accord. Alors, Manu, ça suffit avec... Manu, tu m'arrêtes ça, s'il te plaît, tout de suite. C'est parce que c'est le jour se lève, là. Non, non, mais j'en ai rien à foutre, en moi. En plus, des lunettes de soleil, c'est mieux pour ça. J'en ai rien à foutre de ça, d'accord? Ok. En fait, non, mais tu m'as choqué, Gérard. En fait, ton rêve dans la vie, c'était d'être secrétaire. Voilà, t'as tout compris. C'était pourquoi pour faire des trucs avec le patron. Alors est-il plus facile de réviser à l'étranger? Pousse Bavarotti. Alors là je peux vous prévenir tout de suite que c'est des questions à la file d'art. Hein. Ouais, c'est clair. On voit que c'est un peu plus intelligent déjà. Tu peux la répéter s'il te plaît? Alors est-il plus facile de réviser à l'étranger? Dans ton micro s'il te plaît. Est-il plus facile de réviser à l'étranger? Terminé, point final. Oh là, putain, ça devient lourd. D'aller réviser à l'étranger, ouais. C'est pas le truc à faire, puisque bon, ton bac, si t'es français, tu le passes en France. Mmh. Et donc, vaut mieux rester dans le coin, tu vois, pour être... Non, mais t'en as par exemple... Ah, mais justement, parce qu'il y a aussi les langues. On a oublié dans les matières. Les langues? Dans les matières. Quelles sont les différentes matières qui composent le bac et aussi les langues? Et là, souvent, il y en a qui demandent l'anglais. L'anglais, l'italien, l'espagnol, puis je sais plus que... L'allemand quand même. Ouais, non, mais l'allemand, c'est pareil à peu près comme l'anglais. Hein. Le breton aussi. Ouais, c'est la même. Non, mais ça, le breton, c'est le français, ça. Le kosovar. Non, c'est pas la même langue que le français, le breton. Bah non. Ah, mais sinon, ce serait du français. Moi, et donc, c'est pour ça que... Kenavo, Gérard. Kenavo. Vas-y. On parle pas des parents, Phil. Voilà, qu'est-ce que t'as comme auditeur à me donner? J'ai Madame Musquin. Bonsoir. Ah, bonjour. Oh, putain. Bonsoir, Madame Musquin. Gérard, sur IRC, il y a Jess, il me dit qu'avec tes poèmes, tu pourrais peut-être passer un bac littéraire. Oh là, putain, mais ils vont casser les couilles avec des questions pourries comme ça, longtemps sur l'IRC ou quoi? Non, elle est pas pourrie du tout, c'est toi qui la prends mal. Ils veulent t'en sortir, les mecs, c'est tout, quoi. Gérard, c'est suceuse, on vient de la prendre ce soir, c'est tout. De quoi? Non, Attends, pousse Bavarotti, tu peux... Non, c'est Blaise, c'est Blaise. C'est Blaise. Non, il est plus là, lui. Si, Blaise est là. Non, moi j'ai une question à te poser, c'est Blaise. Si t'avais eu de la chance de faire de grandes études, est-ce que tu penses que le métier de secrétaire ça aurait été approprié? Non, mais attends, Blaise, au revoir, parce qu'il y a longtemps que j'ai déjà répondu à cette question. Alors, bonne nuit. Allez, bonne nuit. J'ai pas suivi, j'étais hors antenne. Non, mais tu vas y retourner, puis tu vas te coucher maintenant. D'accord, est-ce que tu peux lâcher mon numéro à Monique? Comment ça, tu te débrouilles avec la mère, tu te débrouilles avec elle après hors antenne. D'accord. Et Manu. Putain, je t'ai loupé toi, mais je vais te prendre un truc. Madame Musquin, vous appelez d'où? J'appelle de Paris. Alors, question, est-il plus facile de réussir à l'étranger? Madame Musquin, bah voilà. Pour passer, faire les révisions. Je ne sais pas si le diplôme français, il marche à l'étranger. Ouais, je crois que ça marche, ouais. Qui c'est qu'il y a une mouette chez lui? Il n'y a pas quelqu'un qui a un coq aussi tant qu'on y est? Je crois qu'il y a quelqu'un qui est coincé dans l'ascenseur, là. Je crois qu'on va pas continuer parce que ça commence à me prendre la tête, là. Ouais. Si, il faut pousser un peu. Ouais. Pousse Bavarotti et Gros Milo, vous allez vous calmer, sinon je vous dis au revoir. J'ai rien dit, alors c'est pas quelqu'un. Ça se fait pas. Attends, si t'es pas content, Gros Milo ou Pousse Bavarotti, je vous emmerde, d'accord? D'accord, non, mais ça se fait pas, elle a envie de câlin et c'est comme ça qu'elle est réponse. Alors pose Bavarotti, elle a envie de câlin, moi je t'emmerde. Hop, au revoir. Au revoir. Mais c'est l'autre du sort. Au revoir. Moi je vire qui parce que je sais plus où j'en suis. Alors tu vires Blaise, Tu peux. Non, mais Blaise, ça fait longtemps qu'il est barré, Blaise. Mais alors pourquoi tu étais encore là? Mais c'est pas Blaise, c'est pour ça, tu t'es fait avoir, il y a personne là. Blaise vient de zapper justement. Donc est-ce qu'on pourrait avancer sur les questions? Pousse Varotti là. Pousse Varotti, il a rien dit, donc il reste. Alors tu veux dire gros mulot terminé. Je pense qu'il y en a qui passent leur examen tout à l'heure, qui sont en train de se réveiller. Il est bientôt 1h. Donc la question, ça a été plus facile de réviser à l'étranger. Vous allez répondre ou pas? Tu peux parler devant ton micro parce que là, c'est une horreur aussi, Gérard. Ouais, c'est vrai. Et avant qu'un des auteurs réponde, on accueille Professeur Procion. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est le Professeur Procion. Oui. Bonsoir. Ça et donc, la fréquence. J'appelle d'Orléans. 107.7. C'est un professeur qui demain va surveiller les élèves pour la philosophie. Ouais. Bon, alors la question, je la répète, et vous allez répondre parce qu'il est 5h05 presque. Et j'ai répondu. Hein. Ouais, ben c'est pour Madame Musquin, puis professeur machin. Et c'est gros mulot quand même. Je vous avais répondu. Mais gros mulot, tu puis du bec. Gros mulot, je te dis au revoir. Qu'est-ce que tu parles, toi? Tu dis au revoir à gros mulot, lui, j'avais viré. Hein. Gérard, c'est gros mulot. Je lui ai dit, tu le vires. Gérard, c'est gros mulot. Tu le vires. Gérard, c'est gros mulot, ça te fait au revoir. D'accord, je le vire. Allez hop là. Fais gaffe parce que là, ça va voler, toi. C'est quoi? Ah ouais, c'est alors, fabriqué du bon. Madame Musquin. Du bon. Oui, je crois que vous avez répondu. Alors donc, Pousse Varotti. Oui, j'ai déjà répondu, Gérard. Alors, professeur machin. Et pourriez-vous me répéter la question? Alors, la question, Gérard. C'est... Est-il plus facile de réviser les 3e minutes, Gérard, s'il te plaît? J'ai rien fait, Gérard. Bon, allez, terminé, j'arrête, top. Oui, monsieur Gérard. Allez, hop, terminé. Professeur Proton, à l'appareil. C'est terminé, c'est la dernière question, comme ça ira plus vite. Moi, je pense que les petits séjours à l'étranger, si je peux me permettre l'expression, ça peut donner un petit coup de pouce quand même. Ah, ça fait chaud. Tout à fait. En ce qui concerne les révisions. Y'a rien, Gérard. Tu crois que je t'ai pas vu faire? Hein? Je t'ai pas vu faire, tu crois ça? Alors, terminé, conclusion du débat. Alors, Ah non, on enchaîne jusqu'à 6h du matin. Non, pousse pas par non, parce qu'il y a encore, Vas-y, j'ai de la place sur la cassette. Tu mets à ça tout de suite, Manu. C'est pas moi, Gérard. Alors, pousse Varotti, conclusion. Tu me prends dans la vitesse, là. C'est chaud. Ouais, mais je m'en fous, c'est la conclusion du débat. Bah, attends, pendant que pousse Varotti réfléchit, on accueille Muriel Montausset pour la... Non, mais attends, tu te fous de ma gueule, toi, j'ai dit conclusion. Bon, allez, pose une dernière petite question, là. Non, c'est terminé. Terminé. Non, elle veut pas, elle veut... cochon, là, j'ai dit que t'en as une dernière. Alors, pousse Varotti, le cochon, il t'emmerde, au revoir. Mon cochon. Allez, au revoir, pousse Varotti, là. Tu m'envoies une gaine. Bonne nuit. Tu m'envoies une gaine dédicacée de la grosse Sandy? Et la grosse Sandy, elle t'emmerde, espèce de connard. Ouais, je sais qu'elle m'emmerde, mais... Eh ben, moi, je t'emmerde avec, connard. Alors, au revoir. Faut pas être vulgaire, tous ces gens qui vont réviser, là, la philo, là. Ouais. Fais gaffe, Manu. On donne un bien mauvais exemple aux jeunes Français, aux jeunes Françaises. C'est vrai. Je vous le dis, moi. Ouais. Madame Musquin. Ils vont finir débatteur. Madame Musquin. Oui, alors j'ai trouvé que c'était un débat pourri. Calme-toi, Gérard, mange pas tes doigts. Je plains que ça explose. Ils sont pleins de pu, en plus. Tu vas attaquer le bois. Nourrir la lèpre, près d'une bléno. Qu'est-ce que tu disais, madame Musquin? Je disais que c'était un débat pourri et que je plaignais ceux qui font. Attends, excuse-nous, il t'écoute pas du tout, là. Il t'écoute pas, là. Non, je continue pas parce qu'avec les deux cons, là, qui s'amusent à faire des doubles sons, c'est terminé. Alors là, c'est fini complètement, on arrête. 5h10, 5h15. Non, moi, c'est terminé, là. Mais il reste 5 minutes, là. Non, mais ils mettent deux disques et puis terminé, moi. Combien sur Internet, c'est du monde? 9000. On a dépassé. Encore, hein, on 9324 au dernier. Ouais. Non, mais j'ai plus de questions. Alors. Mais si, t'en as encore. Non. J'ai plus de parce bosse, que toi, ouais, bien. Non, parce que toi, tu me donnes des auditeurs qui sont à moitié cons, qui disent que des conneries. Mais attends, t'as vu leur filet, ils sont fatigués. Ta bouche, hein. Pour l'instant, quand je parle, d'accord. Ils sont fatigués. D'accord, hein. Bah moi, je te dis, tu t'écrases. Et Manu, tu arrêtes, s'il te plaît. En plus, c'est des baisses de tension, on est au bout du rouleau, tu comprends pas. 9000 combien tu m'as dit? 9244. Voilà. Mais ça arrête pas de monter, alors note 44, c'est bien. Ouais, bah, de toute manière, c'est ils sont fatigués, hein, ils ont du mal. Oh, hein. Regarde, tu pouvais. Bac à sable, les compagnies. Moi, je suis à 14,7 de tension, faut y aller, faut monter là. Faut... Tout à l'heure, tu vas arriver à 16. Choper 14 coups de poing dans ta gueule, toi, ça va te faire tout drôle tout à l'heure. Tu vas te casser, sur le poignet, fais gaffe. Toi, tu t'écrases un petit peu parce qu'avec ton bordel, là, tu vas. Hein? Ouais, bah d'accord, au revoir. Mais arrête, mais c'est con, mais c'est pas possible. Manu, c'est la dernière fois que tu me fais ça, tu dégages. D'accord. Tu dégages du studio maintenant. Je peux pas, il reste 5 minutes. Je peux pas me le permettre. Tu vires. Je peux pas. Tu vires de l'arrière, je veux plus te voir. Hop. Je finis l'arrière si tu veux. Non, toi tu... Bon, attends, le kiff, un petit kiff. Allez, bon, fais-toi bien. Non, mais attends, ouais, il met tout l'honneur et c'est bon. Non, mais... Non, pas GG. Je sens que ça va mal se terminer. Alors, j'ai eu du monde ce soir. Ouais. Donc, moi, je vais poser une question quand même à Anka, parce que tout à l'heure, je t'ai demandé de faire le standard avec Manu. Apparemment, tu m'as pris combien d'auditeurs ? Pas des masses, parce qu'ils raccrochent tous, ils sont timides quand ils entendent ma voix. Bah ouais, mais de toute manière, c'est ton boulot, hein. c'est pas le boulot de. Parce que si tu remplaces Fildar. Bah, les auditeurs, ils font pas leur boulot. Non, bah même, si tu remplaces Fildar à la rentrée, donc va falloir que tu voyes comment que ça se passe, hein, parce que. Quand tu révises aussi, toi, il faut que tu révises. Quand je dis à Manu qui fera l'arrêt, c'est toi qui feras le standard. Si ça se passe pas, ça sera toi qui dérouillera. Hein. Là, je ferai pas de cadeau. Hein. Ouais, il marche pas bien ce téléphone. Ah ouais, non, bien sûr, il marche pas bien le téléphone. Non. Si l'année prochaine je suis sur France Info, je viendrai pour tes débats. Ouais, bah alors, toi, voilà. Tiens, comme ça. Ah oui, voilà, si c'est tout ce que j'ai à te dire. Si tu veux, ouais, pas de problème. On va faire des conclusions de l'IRC. Ah, c'est chaud. Bah oui, mais faudrait. C'est chaud, il y a énormément de monde. Alors, questions. Alors, attention, question pertinente de Desperados. Il voulait savoir si tous les bacheliers passent l'épreuve en même temps compte tenu du décalage horaire en France. Ah, c'est pas bête. Ah. Non, mais attends, le décalage horaire, il y a longtemps qu'il est fait. Hein, depuis le mois de mai, mars, je sais plus quand. Donc ça, il y a longtemps que c'est fait, donc le décalage horaire n'a rien à voir. Est-ce que l'éclipse a joué aussi? Et pourquoi pas si tu veux, pourquoi pas l'ouragan aussi? Non. Ouais. Oh, je suis la balle. D'accord. Je crois que non mais sérieusement, Gérard, par rapport au décalage horaire, il y a des gens qui auront les sujets avant certains, tu vois, ils vont rentrer chez eux de l'examen, ils vont pouvoir appeler les autres à l'autre bout de la planète et leur donner les sujets. Non mais ça dépendra, parce que ça faudra voir comment que ça va se passer. Mais de toute manière, les sujets, ils les ont déjà tous dans les écoles, donc maintenant les élèves déjà ils les ont. Non, pas les élèves, ils vont dans des coffres avec des petits cadenas. Non, ça y est, ils sont déjà distribués dans les lycées. Oui, mais ils sont dans des. Non, mais les lycées sont déjà permis, sont bien protégés à l'heure actuelle. Parce qu'il ne faut pas croire que ça va faire comme l'année dernière, qu'ils ont eu des problèmes qu'ils ont perdu pas mal de papiers. Ça a brûlé les copies. Donc, après. Alors, ensuite, les marées jouent-elles. Alors, attends. Quoi? Les marées jouent-elles une influence sur le taux de réussite? Très bonne question, Disnogood. Attends, mais qu'est-ce qui me sort, les maries, c'est quoi ça? Les marées. Les marées, mais non, mais les marées, elles n'ont rien à voir. Mm-hmm. Elles n'ont rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la philo, la marée. Non, par contre, la pleine lune, ça peut jouer. Si, bah ouais, si non, une nuit de pleine lune, tu dors mal, tu peux mal réviser. Et pourquoi le soleil? Bah non, le soleil, ça n'a rien à voir. Ouais, bah, t'as raison. Généralement, on dit que les cheveux poussent plus vite, c'est les nuits de pleine lune. Ouais, ça, c'est vrai. C'est ça. Après, que dernière conclusion, c'est tout? Les conclusions, à part que ton débat a été... Ouais, con, qu'avait ni queue ni tête comme moi, c'est ça. Donc voilà. Donc, je m'en fous, à chaque fois, c'est pareil. Donc, je commence à en avoir de l'habitude. Donc, forcément, il y a Zgeg de Babouin qui te conseille d'apprendre par cœur le track de ce soir, fait avec Pierre Foramistère. On te pond un examen pour la semaine prochaine, et toutes les réponses sont sur radiogérard.fr.com. Ouais, mais de toute manière, ce site-là n'existe pas, donc c'est pas la peine que les auditeurs... Ouais, mais de toute manière, c'est un faux site internet. D'accord. Donc, ceux qui s'amusent à y aller, bah, vous faites ce que vous voulez. Mm-hmm. Mais de toute manière, je préviens que celui qui a été mettre mon numéro de portable dessus, je peux vous dire une chose, que celui qui l'a fait et qui continue à me faire chier, ça risque de morfler pour lui. D'accord. Ouais. Alors, celui qui veut jouer avec, eh ben, qui s'amuse, et moi je vais jouer avec son matricule derrière. Donc moi, qu'est-ce que j'ai à dire? Il n'y a plus de conclusion. Une dernière question. Et les conclusions standards, dommage, tu fais pas? Bah ça y est, ils ont déjà tous fini leurs conclusions. Ah bon, ok. Il y a quand même Lénine. RFM, moi, c'est pour ça. Il y a quand même Lénine sur l'IRC qui voulait savoir si le bac est sexuellement transmissible. Alors ça, je répondrai pas du tout à cette question. Pourquoi? Non. Pourquoi? Non, ça, je ne répondrai pas du tout à cette question-là, parce qu'à cette heure-ci, je m'amuse pas à répondre sur des conneries comme ça. C'est sérieux, Star. On m'a beaucoup demandé, est-ce qu'on peut avorter du bac? Je ne répondrai pas non plus. Ah bah attends, tu me demandes des questions pour... Putain, tu crois que je t'ai pas vu faire, là? Il m'a coup de pied. Ouais, ouais, parce que tu t'es amusé à faire un double son. Non, je vais régler le son pour le morning. Pour la raccroche. Ouais, c'est ça, pour la raccroche, c'est ça, t'as raison, fous-toi bien de ma gueule. Et on a terminé? Et on a terminé à 9468. Oh, l'impro de ouf. Ah, ouais. Et j'avais dit 10 000, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, tu les gagneras un jour les 10 000. Donc, qu'est-ce que j'ai? Conclusion? Bah, ça y est. Madame Mesquin m'a dit que c'était un débat qui était pourri, on lui a dit au revoir. Non, non, elle est là. Mais non, je... Elle est là. Hein. Bah, je lui avais dit au revoir. Ouais, mais je les conserve, tu vois, pour on sait jamais. Bah oui. Il y a une deuxième vague de conclusion. Dernière question, là, les deux minutes, là. Allez, c'est parti. Bah non, j'ai rien, y en a plus de questions. Il y en a plus. Feignasse toi-même, connard. Ouais, allez, balance une question, là. J'en ai plus. Une pourrie, là, on s'en fout. On va dormir toute la journée, t'auras le temps de récupérer, c'est bon. T'as raison, abruti, tu crois que je vais dormir? Non, on est chaud, une question avec le... Mais, genre, attends. On s'en bat les couilles, non? Ouais, bah, tu t'en bats les couilles, ouais. Bah, moi aussi. Ouais, c'est super, Gérard. D'accord, alors tu fais ta conclusion. Oh, okay. Pousse, va, c'est pousse, là. Ouais, bah, pousse. Ouais, alors j'en ai arrivé, Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gérard. Salut. Bonsoir Fildar. Bonjour. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que t'as retenu de ce débat de merde? Bah, j'ai écouté. Donc, moi, je passe mon bac demain matin, c'est-à-dire dans 4 heures. De philo. Ouais, de philo. Donc, ça va être dur. Donc, je suis vraiment dégoûté d'avoir écouté un débat aussi merdique pour foirer mon bac. Alors, dans ce cas-là. Donc, c'est abusé, Gérard. Ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est que, au lieu d'aller passer mon bac, j'habite juste à côté, là, de la rue Bayard. Ouais. Donc, je vais venir te foutre 2-3 béquilles, là, dans ta vieille beuge. Et ça va le faire, quoi. Pauvre con, va. Ta vieille beuge. Tu mets un low kick dans la rotule, là. Vas-y, là. Allez, hop, au revoir. Non, mais ce que Gérard peut faire, c'est que, étant donné qu'il t'a un peu emmerdé cette nuit pour tes révisions, il peut venir avec toi au bac. Mais attends, tu vois la touche du mec, quoi. Mais ils vont le laisser rentrer, c'est obligé. Et puis, ils vont pas le laisser dehors, lui. Il peut graver les réponses sur sa jambe directement. C'est ça, t'as raison. Là, ils vont le prendre en bureau, ils vont l'analyser. Terminé. Ils vont l'ouvrir. Gérard, avant de terminer, j'avais une question. Genre, quand tu vas à l'aéroport, tout ça, t'es pas emmerdé? Le truc, il sonne tout le temps, tu vois. Non, mais je te dis une chose, qu'il faudrait peut-être ouvrir tes esgourdes, il y a longtemps que j'ai plus rien dans la jambe. Hein. Non, mais il parle des bouchons en ferraille que t'as dans l'anus. Tu sais, tu peux croquer les bouteilles à la douane. De toute manière, ça vient d'un troisième degré de Fildar. L'espèce de saloperie de Troyen de merde. Il vaut mieux d'y retourner dans son pays de merde pourri parce que j'y étais une fois. Les gens, c'est vraiment des connards. C'est tous des cons à Troyes. Ça arrive, Gérard, d'avoir un anus artificiel. C'est pas grave. On va terminer. Ah, ça y est, c'est terminé. Dernier petit truc, j'ai pris ton vieux chapeau Rav Kalin en otage. Ouais, bah moi, je t'emmerde avec. Je peux faire ma conclusion, GG? Bah, vas-y. Professeur François, là, pareil quand même. Bonsoir. Bonsoir. D'habitude, tu fais des débats sur des trucs que tu connais, c'est genre, je sais pas, les routiers, la boulimie, par exemple. Et là, tu nous prends un débat sur les études, alors qu'en fait, t'es quand même un peu limité. Tu connais pas trop le truc, tu peux reconnaître quand même, GG, que les études... Bon, les questions, si ça vous a pas... De toute manière, c'était une nuit marathon. Tu permets? Il connaît, il veut être secrétaire. Le débat... Bon, ta gueule, toi, quand je parle, merci. Et son ambition dans la vie, c'est d'être ta gueule. Voilà. Donc c'était prévu qu'on faisait deux débats, donc un sur le quinquennat et l'autre sur la révision, vu que c'était la nuit marathon. Donc c'est tout. Si ça vous plaît pas. Mais attends, tu permets, tu me laisses terminer quand je parle, s'il te plaît. Donc les questions, c'est moi qui les ai préparées. Le débat, c'est avec Max qu'on en a discuté. Donc si ça vous plaît pas, c'est le même prix. En de bon entendeur. Salut. Non mais non, pour mon sténo, faut déjà connaître le français d'abord. Alors on va s'écouter le petit Pinocchio. J'ai passé ma conclusion. Ta conclusion là, chacal. La tienne. Ouais, le chacal. Alors le chacal, il t'en merde, espèce de connard. En plus, Gérard, t'as parlé du bachotage et du bachotage aux Philippines. Et ça, c'est dégueulasse. Oh, alors toi, tu dégages, au revoir. Je suis bien content qu'ils aient délivré l'otage, là, pour suivre l'euro. Bon, allez, tu me dis au revoir à ces bandes de connards, là, parce que... Non, bah non, on reste. Non, tu leur dis au revoir, Manu. D'accord, au revoir, les mecs. Alors, bonne nuit. Pour moi, la conclusion, comme par hasard, ça fait comme le deuxième débat, comme le premier débat. De merde. Encore avec toujours vous deux. Alors, ça commence à bien faire. Donc, à la fin du mois, plus tard, je te veux pas lors du débat. D'accord? C'est pas qui? Pas de problème. On verra, je verrai ça avec Olivier de la Prose s'il sera décidé de bien. Non, mais tout à l'heure, Olivier, il a voulu faire rien. Tu l'as viré au bout de deux minutes, il viendra plus jamais dans ta. Tu l'as viré. C'était pas prévu que je mette Olivier ce soir. Il n'aura plus besoin de ça. C'est clair. Donc, tu restes tout seul maintenant. Ça t'a mis ça? Non, mais attends, j'ai rien. Ouais. Donc, pour moi, la conclusion, c'est dommage que ça soit mal terminé. Ça s'est terminé en couille, comme d'habitude. Et ça, je me pense ça. Ça fait deux débats qu'on fait en espace de deux heures. Je trouve que ça aurait pu se passer un petit peu mieux quand même pour la nuit marathon. Ouais, mais tu peux pas essayer de donner un message là pour les auditeurs qui vont aller passer leur bac là au lieu de se plaindre là. Qu'est-ce que j'ai à leur dire? Qui réussissent, mais je leur dis les cinq lettres, c'est-à-dire merde pour ceux qui le passent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à leur dire. Et puis rien n'est perdu, toi t'avais 17 ans CM2, donc tu vois. Bon, moi je t'emmerde, d'accord? Ok. Non mais en plus, Gérard m'a dit tout à l'heure que si t'as le bac, t'as plus facilement, enfin tu peux avoir plus facilement une TDI. Et toi, tu es le premier de t'occuper de ta pigeot qui est en train de se faire broyer, qui est déjà broyée depuis longtemps. Bah oui, c'est pour ça, pourquoi t'en parles, ça fait 3 ans que je l'ai vu, tu me prends pour la tête avec une bagnole. Encore une que t'as même pas été capable de me raccompagner l'autre fois, alors tu fermes ta gueule maintenant. Donc, sur l'IRC, on a pas dépassé les 10 000 ? Non, malheureusement, malgré qu'il y a un quart de Pokémon qui est arrivé à la fin. Et donc, on a terminé. On a terminé à 9723. Oh. J'ai un peu de voyance. Et donc, je vous remercie tous d'avoir passé la nuit avec. Non, il reste encore une petite demi-heure encore pour la fin de la nuit monologue. Ah, la nuit marathon. Monologue. Ouais, la nuit marathon, pardon. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Pour ceux qui passent le bac, je vous souhaite bon courage. Pour qui rigole en face? C'est Martin qui s'amuse en face. Martin, tu te calmes, s'il te plaît. Et Pildar, tu arrêtes. Donc, on va s'écouter le petit Pinocchio en bois d'acajou avec Arrête de mentir. J'ai mal aux fesses et j'espère que c'est le bon disque. Oh, bâtard.